cliente, cher client, bonsoir. Écoutez Coé, de 17h à 20h sur Énergie, c'est mieux qu'une perte de ballerine partant de pluie. Toute l'équipe de l'AL vous souhaite une bonne soirée. Une bande de ouf, enfermés dans un studio, vont te faire oublier que t'as eu une journée pourrie. C'est Coé, c'est le Bifor. 17h, 18h sur Énergie. Bonjour! Nous sommes de retour, il est 17h. Merci d'être avec nous dans la voiture. J'espère que vous passez un moment, même si vous n'êtes pas dans la voiture, dans les magasins, partout, les gens qui bossent avec nous, les gens qui sont dans les camions, dans les bus, dans les chauffeurs de taxi, les pompiers, les CRS qui se reposent dans le camion, qui ont eu beaucoup de boulot, tous les CRS de province qui sont montés à Paris et dans tous les endroits de France, parce que des fois ils sont repartis dans d'autres endroits le lendemain. Quel week-end, mais quel week-end de tristesse. Alors évidemment, on ne saluera pas les casseurs, mais une pensée pour ceux qui venaient dans cette manifestation de façon pacifiste, qui avaient des choses à dire. Une pensée pour les policiers parce que voilà, les gars font leur job et s'en sont pris plein la gueule. Il y a eu des images absolument terribles et eux, ils sont obligés d'être là. Et je crois qu'ils sont fatigués depuis des mois où on leur demande d'aller à droite, d'aller à gauche, de faire des journées entières. Donc voilà, c'était un week-end désolant. Désolant. Il y a eu des images. Alors il y a eu des images. Il y a eu des images terribles. Il y a eu des images incompréhensibles. L'Arc de Triomphe. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ah non. Non, ça se fait pas. Parce que moi, je fais partie des gens. Vous voyez, une boutique. Elle est là. Il y a une vitrine. Il y a des sacs. Voilà. On pardonnera jamais les casseurs, mais je peux pardonner quelqu'un qui a vraiment plus un centime, qui voit un sac tomber d'une vitrine et qui se dit tiens, je vais tenter de le revendre, ça fera des sous. Voilà. Oui. Il y a rien à cautionner là-dedans, mais malheureusement, quand t'es dans la détresse, il y a certaines choses qui peuvent se comprendre. Mais allez ravager la boutique de souvenirs de l'Arc de Triomphe. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu vas faire avec des bouquins sur Napoléon, avec des petits Arcs de Triomphe en porte-clés, les gars devant les caméras qui est à la perceuse. Allez essayer d'avoir des pièces, ça ne vaut rien, c'est des pièces souvenirs les gars. Ouais. C'est pas une monnaie. C'est-à-dire que vous allez avoir des emmerdes avec. Vous avez la monnaie Arc de Triomphe, vous n'aurez pas de baguette avec. C'est pas des boyards. Ça vaut rien. Non mais voilà, il y a eu des débordements terribles et c'est des images qui sont pas belles et je me dis que vu de l'extérieur, ces histoires sont pas très jolies. Oui, et le pire, après, ceux qui nettoient derrière, c'est des gens qui gagnent pas forcément très bien leur vie. Oh, qui gagnent pas du tout bien leur vie, tu vois, même. Et qui se tapent le ménage derrière de ceux qui ont fait un dimanche. Et puis surtout, il y a un truc, c'est qu'on est plus dans les années 70, à l'époque, tu taguais un mur, tu disais, hey, je les ai bien niqués pour les 10 ans qui viennent. Aujourd'hui, il y a des produits qui font que ton tag dure approximativement une heure. Ne vous faites pas chier à taguer, ça s'en va tout de suite. C'est comme si vous faisiez un gros truc, tu sais, avec les stylos plumes, et que t'as un mec derrière avec l'effaceur. Et voilà, ça c'est fait. Non, mais c'est d'une débilité à l'état pur. Sinon, aujourd'hui, nous allons vous faire sourire. Nous allons voir pas mal de choses. Tiens, on reviendra là-dessus dans un instant avec, dans la série, je suis député, je viens parler à la télé. La prochaine fois, je bosserai mes dossiers plutôt que de l'ouvrir. On en parlera dans quelques minutes. Nous parlerons des champions du monde de l'actu avec le prix des gilets jaunes. Ça, c'est un truc étonnant. On en parlera dans quelques secondes. Dans l'actu tout court, on reviendra sur l'alcool au volant. C'est pas bien, vous comprendrez pourquoi. Un lait très étrange, un nouveau lait très nutritif. Je vous en parlerai tout à l'heure. Nous parlerons d'un monsieur aux États-Unis qui a été accusé d'avoir un gros sexe. Chose qui n'arrive jamais. Je savais pas que ça pouvait. Ah, le gars, on est fier. On en parlera tout à l'heure. Vous comprendrez pourquoi. Nous aurons le top des films qui font pleurer. Oui, parce que nous sommes début décembre. C'est pas encore Noël. On est un peu en entre-deux. Il a fait un temps dégueulasse ce week-end. Vous mettiez la télévision, vous aviez des images de manifestations et vous vous êtes petite dit tiens, je vais me finir avec un film triste. Nous avons le top 10 des films les plus tristes qui ont été les plus regardés au mois de novembre. Vous êtes mazo. Il y a des gens, je ne comprends pas. Évidemment, le top tout à l'heure également des conseils pour qu'un couple dure toute la vie. Oui, c'est possible. Écoutez-nous et vous durerez toute la vie aussi. La compile des Gilets jaunes by Kinvé, puisqu'il sera notre invité tout à l'heure. Kinvé, nous aurons Danse avec les stars. C'était la finale. Oui. Petite finale, hein. Ça n'a pas été suivi par énormément de gens. Moyen. Finale ou net. Hein. Donc, qui a gagné? Clément Rémiens, on l'avait dit. Voilà, on l'avait dit. Je l'avais pas dit au début. On l'avait dit. Je l'avais dit, les jeux sont faits ici même, là, il y a quelques semaines. Tu le sentais. Mais je le sentais, je dis, les jeux sont faits, ne regardez pas, le voilà le gagnant. C'est l'acteur de TF1 de Demain nous appartient. Voilà, c'est ça. J'ai jamais regardé. Donc, en tout cas, nous aurons Jean-Marc Généreux qui en parlera tout à l'heure et Kinvé qui sera notre invité. N'oubliez pas, on a plein de surprises dans les jours qui viennent. Mercredi, on aura Kistouf. Mercredi, Soprano. Elle était connectée ailleurs, là. Claudio Capéo qui viendra nous voir jeudi. Et avant de vous présenter toute l'équipe, merci à tous ceux qui nous écoutent avec l'appli Énergie partout dans le monde, ceux qui vont nous réécouter en podcast demain. C'est lundi, c'est une nouvelle émission, mais je vous disais, commençons par cette députée. Dans la série, je me déplace à la télé, puisqu'aujourd'hui, toutes les télés veulent des gilets jaunes et se disent, il faut qu'on ait l'autre côté. Donc oui. L'autre côté, c'est obligatoirement quelqu'un qui est proche de la majorité, bien sûr. Élise Fajolès de La République En Marche. Eh bien, Élise comment ? Fajolès. Alors, Élise Fajolès, on vous embrasse, ça se passait chez Morandini, et il y a quelqu'un qui lui pose une question et qui lui demande le prix du SMIC. Alors écoutez bien, ça va très très vite. Il est à combien le SMIC ? Alors je vais vous dire, vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas. Mais vous vous rendez compte ? Mais non, monsieur. Et après, vous dites que vous êtes représentatif du peuple. Mais je sais qu'il est difficile. Vous savez pas combien il est le SMIC ? Mais je sais que c'est difficile de vivre avec le SMIC. C'est hallucinant. Ah oui, alors je voudrais qu'on revienne sur cette banalité. Alors c'est combien le SMIC ? Alors je. Non, des mots. Alors je vais vous dire. Non, ça ne veut rien dire. Non, il est à peu près à combien ? À 1000 euros près, madame. Alors, je vais vous dire, vous me faites. Non, mais une fourchette. Non, mais donnez-nous une fourchette, même une cuillère. Donnez-nous n'importe quoi. Mais allez, on va dire à 2000 euros près. Alors, je vais vous dire, vous me faites une colle, en effet. Alors, on va vous proposer un truc exclusif qui n'a jamais été fait. Oui. C'est quoi ? Nous allons rentrer dans le cerveau de cette députée au moment où la question est posée. Et à combien le SMIC ? Oh ! Merde ! Je m'y attendais pas à cette question, j'avais tout révisé, mais pas ça. Bon allez, fais appel à ta mémoire sur les questions pièges. Alors, le pain au chocolat, c'est entre 12 et 14 euros. Non. Le ticket de métro, ça doit être 3 centimes, ouais, je crois que c'est ça. Le litre de lait de soja bio, je crois que c'est 1,80€ chez Carrefour, ça j'en suis sûre, mais le SMIC ? Bon, j'ai envie de dire 3002, mais ça doit être une connerie. Ah, oh, vite, dis un truc intelligent ! Alors, je... Non, c'était pas intelligent, ça. Présentation de l'équipe. Il s'est baladé dans Paris ce week-end. Petite course de Noël. Il en a profité pour essayer un nouveau parfum Yucky Pic de Lacrymo, puisqu'il était, il était là-bas. On en parlera tout à l'heure. C'est la tendance de cet hiver. C'est Bichette, le réalisateur de l'émission. Bonsoir. Maintenant, s'il fait un pain technique, il dira bah, je vois pas. Et c'est les yeux, c'est les je yeux. Pleure. Il est toujours dans la découverte de sa nouvelle vie d'homme indépendant. Ce week-end, il a découvert que l'on devait changer des sacs d'aspirateur quand ils sont pleins. Et oui, un jour, une découverte. C'est notre Indiana Jones du ménage, c'est Miko. Ça ne se vide pas. Non, ça ne se vide pas, ça se change. Les CRS. Je te jure, j'étais là. Mais ça devait être merveilleux, quoi. Ça devait être merveilleux quand la personne a dit mais monsieur, mais comment vous. Mais monsieur, ça change. Alors, les CRS la supplient de les rejoindre, car avec elles sur les champs, les casseurs tiendraient pas 5 minutes. C'est Stouff, notre productrice. Lui est allé sur les champs pour protéger un lieu emblématique, le Burger King. Il est resté devant et croyez-moi, personne n'a pu s'en approcher. Ah, faut pas toucher à ces Whoppers, ni à ces double Whoppers. C'est mon Jeff qui est là. Et enfin, il a profité de son week-end pour créer sa propre calendrier de l'Avent. Chaque petite case cache un nouveau hashtag tous les jours. Aujourd'hui, c'était « Se dis pas qu'on est lundi, mais... » Bon, je vais rester sur le calendrier Kinder. C'est Bordas. Merci de nous avoir choisis. Kinvé sera notre invité tout à l'heure. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Les champions du monde de l'actu dans 3 minutes. Ne les ratez pas. Ils sont fantastiques. Évidemment, il y a encore une petite info sur les gilets jaunes. Obligatoire. Bon courage pour ceux qui bossent et ceux qui nous écoutent. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Later, bitches. il en prend. Bitches. Merci de me suivre sur Instagram, sur Twitter, Coé officiel pour les deux, vous me suivez, puis on se fera des follow and follow bientôt, on reviendra là-dessus, vous vous souvenez? Ah. C'est-à-dire que d'un seul coup, je vous poserai des questions de fidélité de l'émission, vous pourrez suivre, ou toute l'équipe vous suivra, y compris moi, et si à un moment donné, il y a un truc, une seule mauvaise réponse, et tout le monde vous unfollow. C'est dur, je sais, c'est dur. Vous voulez gagner jusqu'à 10 000 euros, 7, 10, 12 par SMS, mettez Coé au début de votre message, vous allez, j'ai mis une enveloppe à 1000, une à 5000, une à 100, une à 10 000, une à 200, une à 5, 7, 10, 12 par SMS pour gagner jusqu'à 10 000 euros à quelques jours de Noël. Et tout à l'heure, je vous expliquerai, là cette semaine, vous allez pouvoir gagner, grâce à But, un truc de fou. Je peux vous le dire en deux mots. Oui. En gros, ça va être un jeu complètement dingue. Vous allez venir en famille. Je vous lâche dans un magasin But. Vous aurez 3 minutes pour prendre ce que vous voulez. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est à, quelques, ça, à quelques jours de Noël, elle est belle l'histoire, non? Ah ouais. Ça va être. Qu'est-ce qu'il y a? Le carnage. Jeff, c'est frigo. Je sais, il est tout dedans. Mais vous vous ferez plaisir. Il y aura un nouveau hashtag tout à l'heure. Voici les champions du monde de l'actu. Oh, rapidement, les champions du monde de l'actu, vous savez, on parle beaucoup des gilets jaunes. Et quand on cherche sur Amazon le terme gilet jaune, il y a plusieurs modèles. Il y a des internautes qui comparaient le prix des gilets jaunes sur Amazon entre le 1er et le 30 novembre, donc avant le début du mouvement, et au moment où beaucoup de gens en parlent. Mais il se trouve que certains modèles ont augmenté de 46%. En moyenne, le prix d'un gilet jaune a augmenté de 22% en un mois. Donc si je résume, là, à l'heure à laquelle nous parlons, le gasoil baisse. Il a baissé là. Les gilets jaunes augmentent. C'est donc le monde à l'envers. Ça veut dire que bientôt on va avoir des gilets jaunes qui vont manifester contre les gilets jaunes trop chers. Trop cher, c'est une alarme escroquerie. Deuxième champion du monde, c'est Jul. Ah, il fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Jul a apporté son soutien aux gilets jaunes en déclarant dans une vidéo: force aux gilets jaunes sur le grand-père, ils ont raison. Alors voilà, une dédicace. Voilà. C'est son truc à lui. Big Flo et Oli aussi ont apporté leur soutien. Et alors il y en a une qui on ne l'a pas vu venir, c'est Afida Turner, l'ancienne participante du Loft, qui a dit qu'elle s'était personnellement touchée par la détresse des manifestants, et on y voit une résonance à son histoire. Vous vous souvenez d'Afida Turner? Bien sûr. Oui, évidemment. Bah oui. C'était la... Elle est Sly. Voilà. Leslie, et qui avait fait une émission sur Énergie 12 sans culottes. Bah, en fait c'est ça. Elle devrait plutôt défendre les sans culottes que les gilets jaunes. Super champion du monde dans le Finistère et le Morbihan. Des stations-service sont en panne de carburant, et évidemment parce que les gilets jaunes bloquent les raffineries en faisant des feux de camp. Vous vous souvenez, on a eu ça. Qu'est-ce que vous faites? Un feu de camp à côté de la raffinerie. On est bien. Non, c'est des gilets orange en fait. Les entreprises du BTP ont mis leurs gilets orange de chantier et protestent contre la suppression de l'exonération fiscale du gazole non routier. Vous l'avez compris, il y a donc les gilets jaunes, les gilets orange, les bonnets rouges. Voilà. Collection automne-hiver des Eagles de l'année prochaine. J'espère que vous y repérez. Bon, on l'a. Là, il y a une couleur par semaine. Je ne sais plus où on en est. Voici Kenji sur Énergie. 10 000 euros à gagner. 7, 10, 12. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains.

ils sont à 7,99€. Prix conseillé à emporter hors signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr. Au fait, Antoine, c'est bon, j'ai mon rendez-vous. Bah, c'était facile, en fait. C'est pas vrai, c'est bien. Avec Sophie? Non, non, non. Ah, avec Marie, alors? Non, non plus. Attends, pas Céline, quand même. Mais non, chez Ford Service, et j'ai même eu 30€ de remise. Mais comment t'as fait? Obtenir un rendez-vous en ligne n'a jamais été aussi facile chez Ford Service. Pour tous les clients Ford, profitez de 30€ de remise exceptionnelle sur votre révision en réservant sur Ford.fr avec le code R30. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre 2018, voire conditions sur Ford.fr. Notre invité, n'oubliez pas, mercredi on se fait une spéciale et on se fait un mini concert dans le hall. Vous rêvez de voir Soprano, vous l'avez jamais vu en concert, venez nous voir Énergie, 22 rue Boileau. Soprano en live à 19h50. Dans un instant, jusqu'à 10 000 euros, vous voulez gagner des sous, 7, 10, 12 par SMS, mettez Coé au début de votre message et je vous appelle, vous trouvez la bonne enveloppe et vous gagnez donc jusqu'à 10 000 euros. Quoi qu'il se passe, si je vous ai au téléphone, vous gagnerez des sous. Je change, je mixe en même temps pendant que je parle. Ça me fait plaisir. Zap télé de Mico, dans un instant, de quoi nous parlerons? On se fera un spécial télé-réalité puisque toutes les émissions sont terminées. Comment? Ouais, je sais, on va être en deuil. Mais non. Toutes les émissions, il n'y a plus de télé-réalité? C'est fini, les gens. Mais tu vas mettre Énergie 12? Alors, et c'est la trêve, c'est Noël, hein. Hey, j'ai envie de dire à tous ces petits jeunes que le cerveau se repose. Bien sûr. Ah oui, il faut quand même être en... Sinon c'est trop compliqué. Alors il faut quand même que je vous... Les dames sont dans le four. Il faut que je vous... C'est très classe. Elles peuvent pas être partout. Classe à l'américaine, bravo madame. Avant que je vous parle des 10 films les plus déprimants que vous avez peut-être vus, une info qui est sortie aujourd'hui. Des scientifiques chinois de l'Académie des sciences de Yunnan, alors évidemment personne n'a jamais vérifié si elle existait, mais c'est dans le journal donc on le croit, ont mené des recherches sur une espèce où on peut avoir un lait nutritif très très fort en éléments nutritifs, en sucre et en gras. Quel est ce nouvel animal? Vous avez 20 secondes. L'anesse. Non. Bah non, ça existe déjà. Oui, pas des scientifiques qui vont se mettre sur un lait qui existe déjà. Je sais pas, c'est un fruit? C'est un fruit, c'est un animal. Okay. Très bien. Voilà. J'écoutais pas énoncé. Mais tu as combien de mètres de moi? 1m50 je crois. Le cochon d'Inde? Le cochon. Ah, le taureau. Je cherche un truc original. Le taureau. Non, du lait de taureau, mais il est magnifique. Bravo, c'est Barnas. Un mâle, le taureau. Du lait de taureau, c'est un mâle. Ah, d'accord. Ok. Le phasme? Non, mais non. C'est une couleur? Non, donc, du serpent. Vous trouverez pas. C'est dans le même genre. C'est dans le même genre. Ah, un rat. Une araignée. Ah. C'est une araignée. C'est une araignée sauteuse qui s'apparente à l'apparence d'une fourmi. C'est pas vrai. Elle a un lait entier, extrêmement nutritif. Alors, donc, à mon avis, déjà, tu le mets dans du Queen Yaman. Je pense que tu fais des caca plus lourds que de lingots d'or tellement c'est nutritif. Mais c'est pas tellement ça. Comment tu vas traire une araignée sauteuse? C'est... Ah, la volontaire, t'es là, tu vois, arrête, s'il te plaît. Une fois que tu l'as chopé, elle arrête de vouloir, elle veut plus sauter. Comment tu fais? Il va en falloir aussi. Ah oui, non, tu fais pas un gâteau avec une araignée. Hein, je pense que c'est des bouteilles de Playmobil que tu remplis. Ouais, c'est nutritif. Pas être très facile. Allez, je vous fais le classement des films les plus tristes. Ah, oui. Au mois de novembre, c'est généralement. Novembre et janvier et février sont. Alors, février, non, il y a la Saint-Valentin qui revient. Mais généralement, janvier et novembre. Tu as raison. Janvier et novembre sont des moments très durs. Ouais. C'est pour cela que j'ai décidé de vous faire le classement des 10 films qui font le plus pleurer. Numéro 10, je vous mettrai les musiques qui vont avec. Elephant Man. Ouais, il est triste, ouais, c'est triste. Ah ouais. 9e, La Ligne Verte. Bon, les musiques vont avec, hein. Vous attendez pas à une lambada, hein, c'est. 8e, La Liste de Schindler. Oh, ce film, il est fantastique. 7e, si vous n'avez pas assez chialé avec La Liste de Schindler, je vous remets un petit peu de La Vie est Belle. Ouais, il est magnifique. Terrible. Bon, alors là, j'ai pleuré, mec. Je devrais pas le dire, je suis à la radio là. Oui. Non, je suis resté un bonhomme, c'est parce que j'avais une poussière dans l'œil. Nous les hommes, on n'ose pas pleurer. Vous avez vu que dès que ta copine elle se retourne, elle fait tu pleures? Non, n'importe non, quoi. Ça, alors, n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. 7e, Le Roi Lion. Ah ouais, bah oui. C'est l'un des films qui fait le plus pleurer, je sais pas pourquoi. Mais c'est parce qu'il y a une mort triste. Mais moi, quand tu montres le petit en haut du rocher avec les zèbres et les zébus qui se penchent, moi je trouve ça mignon. Ça, c'est émouvant. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un dessin animé en même temps. Ah ouais, c'est vrai. Ensuite, 6e, Forrest Gump. Ah oui. Bah ça c'est pas si triste que ça. Arrête, si. Bah, il perd sa maman, il perd sa femme, il perd tout le monde. Tiens, en parlant de perdre sa maman, Bambi. Ah non. On l'avait oublié la chanson. Non, ça dès le début. Hein. Titanic. Les deux derniers, je vous les mets. Les petits mouchoirs. Ah, j'ai chialé. On a tous pleuré. Ouais. Mais non, moi j'avais une autre poussière dans l'autre œil. Et numéro 1, vous diriez quoi? Les Visiteurs 3. Non. Kramer contre Kramer. Visiteur 3. Non, dans les films les plus tristes, il y a Les Bronzés 3. Ça, c'est d'une tristesse de l'humour, mais. Non, vous me l'avez pas dit. Kramer contre Kramer. Non, mais il aurait pu. Moi, je dis Love Actually. E.T. est le film numéro 1 qui fait le plus pleurer. Alors, parce que peut-être qu'il y a un peu d'émotion, je sais pas quoi. Voilà, vous n'avez pas pleuré, vous? Bah non. Si, mais quand j'avais 5 ans. Dans 3 minutes, je vous offre jusqu'à 10 000 euros, 7, 10, 12, et vous allez pleurer, vous aussi, hein? Ah, tu vas pleurer, chialer. Je vais te faire pleurer de bonheur. Il y a jusqu'à 10 000 euros à gagner, 7, 10, 12, en mettant courrier au début de votre message. Et je rappelle qu'après, on a le zap télé de Mico et ensuite les conseils pour que votre couple dure toute la vie. Are you drunk or no? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to a skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promise. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You are dying tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. Est-ce que tout le monde a son enveloppe? Est-ce que tout le monde est prêt à ouvrir jusqu'à 10 000 euros? Je sens, et vous savez quoi? Je sens que ça peut tomber. Les 10 000? Oh, je le sens bien, j'ai envie de faire du, j'ai envie de donner du plaisir. Et si c'est pas tombé là, demain je rajoute dans le tas une enveloppe à 10 000. Donc, ok. Pour multiplier les chances. Demande à Jean-Paul avant. Non, je ne demande plus parce que je connais la réponse. Non! Voilà, je la connais. Stouff, tu l'as? Oui. Jeff aussi? Oui. Vous l'avez tous, 7, 10, 12 par SMS. Vous vous inscrivez à n'importe quel moment de la journée pour gagner jusqu'à 10 000 euros. Ça y est, c'est parti. Allô? Aussi. Allô, bonjour Johanna. Dark Vador. C'est vrai qu'il y avait un, il y avait un petit côté Dark Vador. Johanna, c'est Coé, comment ça va? Oh ben ça va, merci, je suis choquée. C'est vrai? Pourquoi je suis si laid que ça? Non, pas du tout, c'est que je ne l'attendais pas. Oh, voilà. Bah, en même temps, oui, c'est vrai que c'est le principe du truc par surprise. Johanna, tu fais quoi dans la vie? Mais je suis maman au foyer, j'ai deux enfants en bas âge, 2 ans et demi et 9 mois. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu, est-ce que les cadeaux sont déjà un peu choisis ou pas? 9 mois, ils choisissent non, pas trop. Pas trop. Ouais. On s'éclate. Je sais pas ce que t'en penses, mais on s'éclate pas trop sur les cadeaux d'enfants de 9 mois. Il y a un âge où c'est. Ouais, c'est le truc qui fait ouais. Le truc qui fait poète, le rond que tu mets dans le rond, le triangle, le petit volant. Le ou pas là. Les guitares qui font du bruit, oui. Casser les oreilles. Tu as raison, ou le cadeau que tu regrettes. C'est-à-dire que t'as acheté un truc et quand tu l'as acheté, rien que dans la boîte, il fait du bruit, tu dis pourquoi. Ou des freins qui tiennent 2 semaines. Alors que je lui offrirais une boîte, il jouerait autant. Alors attention. Tu vas choisir la bonne enveloppe, il y a jusqu'à 10 000 euros, il y a 200, il y a 100, il y a 10 000, 5 000, il y a 5 euros aussi. Et 1 000 euros, choisis la bonne personne, ma belle. Tu as un chéri, comment il s'appelle? Michael. Michael. Il est arrivé bon, du boulot? J'espère que vous... non, pas encore. J'espère que vous allez être avec moi. Hein, parce que... La vanne arrive. Michael est de retour? C'est facile, c'est en do fa sol. Attention, tu choisis la bonne personne. Alors, les prénoms, s'il vous plaît. Parce ah, prénoms, tu as raison. Je... Non, mais tu as raison. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, tu as raison. Pas bien, Coco, pas bien. Je te redonne les noms. Il y a Souf, il y a moi, Coé, il y a Jeff, il y a Bichette, le réalisateur, il y a Bordas, qui ne fait rien, il y a Miko. Concentre-toi. Bon, ben, alors Bichette. Bichette, attention, tu te concentres, mon Bichette. Je tremble. Si tu me sors l'enveloppe, si tu sors le truc à 5 euros, je te préviens. Ah, je moi, je te... Ah, non, elle pleure, 5 euros. 5 euros, moi je te tape. 5 euros, 5 euros, nous te tapons et elle pleure. C'est vrai. C'est toi qui as mal et c'est elle qui pleure. Je te tape. Bon, bah je vais me planquer, je vais avoir mal et puis tu vas pleurer. C'est pas 5. Ça commence par 5. Oh, c'est merde. C'est 500 euros. Oh, Johanna, c'est pas vrai. Johanna, on t'offre 500 euros, ma chérie. Oh là là, merci beaucoup. 500 euros. Tu feras un bisou pour les enfants. En gros, c'est moi qui gère la soirée, le cadeau de Noël, tout ça, c'est pour moi. D'accord? Et le jouet qui fera merci pouet pouet. Beaucoup. Je te fais oh un gros là bisou. Là, merci, Coé. Merci, merci. C'est Bichette surtout, c'est lui qui avait les bisous. Je fort, Johanna. Continue de nous écouter tous les soirs. Ah, ben oui, ne vous inquiétez pas. Et embrasse Mickaël, gros bisous. Je t'adore. Il n'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire. Je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier. On joue. Mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie que t'as perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. J'adore ce titre. Bonjour. C'est Coé. C'est le Bifor sur Énergie. 18h, l'émission en public. Ne ratez pas, vous venez nous voir aussi en public pour Soprano, pour tout le monde. Soyez dans le studio, vous faites Coé public at énergie.com. Pourquoi souris-tu bêtement? C'est quoi les paroles de la chanson, Coco? Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. J'aime beaucoup cette chanson, j'aime beaucoup ce titre. T'as dit l'esprit n'est plus à la mode. J'ai dit le spleen. Il a dit le spleen. Le spleen. Ah, ok, d'accord, il y a une scission. Non, le spleen. Ok, très bien. CRS. Ah, c'est un putsch. Ah, ok, d'accord, une rébellion. Ok. Très bien, je voudrais juste vous dire un truc avant le Zap télé de Mico. Je vous parle de cet homme, c'est une affaire, c'est important. Avant qu'on ait tout à l'heure Jean-Marc Généreux qui nous parlera de la finale de Danse avec les Stars. Un homme était accusé de s'être caressé dans le métro à New York. Eh bien, il vient d'être acquitté parce que la femme qui était en face l'accusait de s'être touché l'entrejambe alors qu'il était en face d'elle. C'est pas le tout. Elle a déclaré que le pénis de l'homme était gros et dépassait presque de son pantalon, ce qui n'existe pas dans la vraie vie. L'avocat de l'homme a expliqué qu'on ne pouvait accuser un homme simplement parce qu'il remettait son matos en place et qu'on ne pouvait pas condamner un homme parce qu'il avait un crozizi. Donc tout s'est arrêté là. Non mais c'est fou ça. Crozizi. Eh bien moi, je suis pour condamner les hommes qui ont un gros zizi. Je trouve ça honteux. Ça devrait être une prison ferme et longtemps. Voilà, laissez-nous tranquille, d'accord? Moi, je suis un slip jaune. Je veux la liberté pour les petits zizis. Et je veux qu'on taxe les gros. Voilà, c'est tout. Comme ça, c'est réglé. Télévision. Mais tu cries rarement « Je suis innocent » quand on dit que t'as un gros zizi. C'est vrai. Alors, on se fait un spécial télé-réalité parce que je suis un petit peu en deuil. Toutes les émissions sont terminées ce week-end. Profitons-en. Voilà, on commence avec la finale des 10 couples parfaits sur TFX et Mélanie qui a du mal à choisir son prétendant. Je n'ai aucune idée de qui peut être mon match. Pour moi, c'est un casse-tête chinois. Et vu que je suis nulle au sudoku, et ben là, le sudoku grandeur nature, bah ça va être un peu bizarre pour moi. Voilà, mais on dira juste que c'est japonais le sudoku, c'est oui, pas chinois. Oui, oui, oui, oui. Mais bon. qu'est-ce qu'elles ont ces nanas de 20 ans à avoir des voix de Jeanne Moreau? On a l'impression qu'elles ont toutes fumé 25 paquets de clopes. Elles gueulent toute la journée, forcément. Ouais, c'est ça, hein, c'est incroyable. C'est ça. Alors, on continue avec la finale des Marseillais sur W9 et ce quiz spécial culture générale. Attention. Jessica, c'est vrai que souvent elle est surprenante. Elle peut être bête, mais elle peut être intelligente. Et là, vraiment, je mise tout sur Jessica. Combien de temps met la Terre pour faire une rotation sur elle-même? Jessica. 365 jours. 365 jours pour faire une rotation sur elle-même? Non. Jessica.

sur Énergie. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter tous les jours. Vous êtes 1 624 000 à nous écouter. Ça me fait très plaisir. Tous les matins, je fais l'appel, ils sont tous là. C'est ça qui est très important. Dans un instant, nous aurons. Qu'est-ce qu'on fera? La compile des Gilets jaunes by Kinvey, qui est notre invité tout à l'heure. Ça veut dire qu'avec des chansons de Kinvey, nous aurons le top 10 des top 10 des conseils. Le top 10 des conseils pour que les couples durent toute la vie. Si vous m'écoutez et que vous avez des doutes, je vais gérer votre couple. Et vous pouvez avoir confiance en moi. Je vois pas ce que vous ferez. Le hashtag Bordas vite, on aura Jean-Marc Généreux dans une seconde. Quelques propositions de films avec le hashtag Grand Film Plus Noël. Alors on a Florian qui nous propose Chérie, j'ai rétréci ma guirlande. C'est bien. Ouais. Un autre. On a le Reine des Neiges. Ah, moi j'avais l'homme qui murmurait à l'oreille des Irene. Ça marche aussi. C'est chaud, en théorie. Ouais, c'est vrai. Il sèche, Miko, il trouve pas. Thibaut qui nous propose des Lutins Flingueurs. Très bien, on continue. Oui, c'est bon, merci. On continue, ça se joue sur Twitter, mais pour l'instant, direction la Villa des Animateurs. Je crois qu'il y a Jean-Marc Généreux qui est là-bas. Oui, ouais. Connexion. Oui, c'est bon, normalement c'est. Ah bah voilà. Ça va les amis. Salut Jean-Marc. C'est Jean-Marc Généreux qui, je suis content d'être là, je capote. Vous avez vu dès le samedi soir, que des grands moments, que des grandes prestations. Ah ouais, lesquelles? Mais moi, dans la pub Château d'Axe, la coupure pub, quel acteur de génie. Oui, bon, oui. Et les grands moments de solitude aussi, quand les deux anciens ennemis se sont venus chanter pour leur copine Iris, j'ai encore les oreilles qui saignent là. Oh, pas faux, pas faux. Mais on parle pas du gagnant? Ah ouais, l'autre là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. François Damiens. Non, c'est Clément Rémiens. On s'en fout, je connais pas, de toute façon, personne sait qui c'est. Ouais, ça c'est pas faux. Bon, et vous allez faire quoi maintenant? Je vais m'occuper des gilets jaunes, c'est nouveau. Je vais faire toutes les chorégraphies, les pouces en avant, les coups dans l'arrière et tchik et tchok et tchik et tchok et tchik et tchok. C'est pas un peu basique comme choré? Je m'en fous, c'est l'avenir. On va faire DALGJ, danse avec les gilets jaunes là. Il y aura plein de stars, Franck Dubosc, Brigitte Bardot pour un foxtrot sur Jackie. T'inquiète, c'est les pourris, tout ça quoi, ça va, c'est, j'adore, j'achète. Et ça, j'achète. Et ça, j'achète. J'ai une ambiance dans mon cerveau. C'est un truc de fou, je peux pas m'empêcher de bouger comme ça. Continue, vas-y, je vous laisse les gars, je vais me taper une queue. Quoi? Pas de panique, une queue leule. Ah non, j'ai eu peur. Non, ça c'est Patrick Sébastien. Non. Allez, moi, tout le monde s'éclate. À la queue leule. Qui ça, tout le monde s'éclate. À la queue leule. Et ça, j'achète. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Aujourd'hui 3 décembre, c'est la journée nationale du cinéma indépendant pour défendre les petits cinémas qui diffusent des films indépendants donc. C'est J'avoue bien. Que moi j'y vais jamais dans ces cinémas. Ouais, ah bon, on y va pas, mais ça fait bien de dire que c'est bien sur le principe. Ouais, j'adore le cinéma d'auteur. Moi j'y vais souvent. Il y a un cinéma où je vais souvent et c'est un cinéma indépendant, si c'est vrai. Oh. Et c'est souvent les films qui me font le plus pleurer, tu vois. Ah bah moi aussi, tu me mets là, je pleure. Hein. Mais moi, je pleure dès la caisse. Manu dans le 6-9. Manu, allez! 6h, 9h30 sur Énergie. Pas besoin de musique. Pas besoin de comédien. Bah oui, mais moi je viens de me taper 3 heures de route là. Oh, pas besoin de studio son non plus. On a juste besoin de dire aux professionnels, les faits parlent d'eux-mêmes. Avec le nouvel Opel Combo Cargo, élu véhicule utilitaire de l'année 2019, chargé facilement 2 palettes et 1 tonne de marchandises. Et on finit comment? Très simple. Pendant les journées Opel Pro du 26 novembre au 7 décembre, profitez d'un financement à taux 0 sur 36 mois sur le nouvel Opel Combo Cargo. Offre réservée aux professionnels, c'est acceptation par Opel Bank. Conditions sur Opel.fr. Voilà. Tu reviens d'où comme ça? De la pharmacie. Pour les médicaments de maman? Ouais, le pharmacien m'a donné des médicaments Mylan. Les mêmes qu'à l'hôpital. C'est ça. En même temps, j'ai entendu que Mylan était présent dans 90% des hôpitaux. Ah ben moi, ça lui changera pas ses habitudes. Par contre, toi, faut que tu te mettes au sport, frérot. En plus d'être présent dans plus de 90% des hôpitaux, Mylan s'engage à choisir des excipients limitant au maximum les risques d'intolérance. Demandez conseil à votre pharmacien. D'après éléments démographiques 2017, panorama au 1er janvier 2017. Ordre national des pharmaciens et données internes. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Mardi, William a été témoin d'un truc fou. Il a vu passer une licorne, mais une vraie, hein. Mais le plus fou, c'est qu'il sortait de chez Domino's avec une pizza large à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€. Prix conseillé à emporter hors signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr. Et voilà, Madame Girard, une chaudière toute neuve aux normes PEB. Avec ça, vous allez maximiser votre PCI sans consommer plus de FOD. Le tout éligible au CITE, évidemment. Hein? Chez Volkswagen Véhicule Utilitaire, on vous comprend. Bénéficiez d'un crédit bail exceptionnel à 0% sur Cadivan et Transporter Van jusqu'au 31 décembre seulement. Trouvez le vôtre disponible immédiatement sur lemien.fr.

Dans un instant, nous reviendrons sur la compile avec Kinvé, qui est notre invité ce soir. On va prendre que des chansons de Kinvé pour faire la compile des Gilets jaunes by Kinvé. Mais voici un peu d'amour, un peu de romantisme pour tous les gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont en couple et qui se disent « Ah là là, je ne sais pas si ça va durer ». Vous savez, il y a quelques années, tout le monde disait « Les couples, c'est fait pour durer toute une vie ». Ça, c'était il y a longtemps. Oui. Maintenant, on se dit « Bon, si on passe l'hiver déjà, chaque Noël de gagné est un Noël de… » Non, mais voilà. C'est vrai. On sait jamais aujourd'hui. Il y a tellement de tentations, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses. Puis aujourd'hui, on s'emmerde plus comme avant. Quand c'est ça vrai, marche plus, on se dit bon, bah écoute, allez, bisous, à bientôt. Oui, c'est ça. À la prochaine. Dans notre équipe, nous avons des jeunes couples. Jeff, qui est en full love. Oui, ça marche très bien. Stouff, qui est en full love. Il a fait le oui. Si, c'est vrai que tu nous as fait un oui, ça marche très bien. C'est que quand on monte dans les aigus, c'est comment. Mais c'est pas grave. Voici pour vous tous qui m'écoutez le top 10 des conseils pour qu'un couple dure toute la vie. Évidemment, se coucher en même temps. Ah. Eh ouais, c'est un moment de complicité. Voilà, c'est important de. Voyez, vous alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous brosser les dents en même temps parce que le je t'aime avec la bouche pleine de dentifrice, c'est pas glamour. On dirait que vous avez la rage. Pratiquez des activités en commun. Important. Vous faites du golf, faites en sorte que votre chérie fait du golf. Vous jouez un peu au foot, bah, faites en sorte qu'elle participe et qu'elle puisse vous voir une fois de temps en temps. Se faire confiance. Je ne le répéterai jamais assez. Le mensonge est le ciment du couple. Non. C'est sûr, ce que tu dis là. C'est pas la base, là. Bah, comment? Oui, enfin bon. Non. Ne jamais dénigrer son partenaire. Toujours en parler positif. Embrassez-vous. Très important de s'embrasser, même au bout de quelques années. Sauf pendant que vous vous brossez les dents, on a l'impression que vous avez la rage maintenant. Dites je t'aime tous les jours. Voilà. C'est important le petit je t'aime. Parlez-vous beaucoup. Oui, un couple qui ne se parle pas est un couple qui va mal. Alors vous parlez beaucoup. Sauf quand on regarde un film. Pitié. Parce que je n'en peux plus de ça. Faut arrêter. C'est le moment où on met le film et il ne faut pas rater les 10 premières minutes que vous faites. Ah oui, parce qu'en fait. Non, pas là. Attendez. Non, c'est, non. Si vous n'allez rien comprendre après pendant une heure et demie, vous allez me dire mais je ne comprends pas. C'est qui lui? Bah, t'avais qu'à pas me parler au début. Et tu saurais. Soyez fiers d'être ensemble. Exactement. Remontez-vous le moral aussi mutuellement, c'est ça un couple. Quand ça va mal, il faut le dire. Et enfin, partagez des moments de complicité. Vous rentrez du boulot, mesdames, vous avez plein de trucs à raconter à votre mari, dites-lui tout. Et même s'il ronfle, il écoute. Mais si, nous les hommes, on a cette faculté, on ronfle sur vous. Vous croyez qu'on dort? Non, on se repose. Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit, dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, les photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais mais on est plus tard. Et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard. Et je comprends pas. Plus tard. Plus tard. Big Flo et Oli qui étaient nos invités la semaine dernière. Il y a une petite vidéo qu'on a mis sur mon Instagram de Big Flo et Oli quand on fait le DJ. Et j'avais promis de faire leur jingle de l'émission du 15 décembre. Tu l'as fait? Je vais faire. Non, je vais le faire. Je vais le faire. Il va pas être de bon goût, hein, mais je vais le faire. Hein. Ah, ils veulent du DJ, ils veulent de la chambre d'écho. Et ils vont en avoir. Et ils vont en avoir. Ah, là, je vais leur faire le générique le plus light qu'on a entendu du monde. Comptez sur moi. Donc, ils étaient là. Venez, suivez-moi sur Insta. C'est Koé officiel et vous verrez la vidéo. Elle est top. C'est Koé. C'est le Bifort sur Énergie. Kinvé sera notre invité tout à l'heure. C'est le retour de ma femme. Hein. Vous savez qu'on a été longtemps mariés. Ça fait longtemps. Notre couple a duré une absence et puis on se retrouve ce soir. Ah, c'est lui le divorce. Mais oui, ah, oui. Ouais. Enfin, il y a la compile des Gilets jaunes by Kinvey. D'abord, la chanson des Gilets jaunes. Dans un monde meilleur, on pourrait tout s'effacer. Les erreurs du passé qui empêchent d'avancer. La chanson pour ceux qui critiquent le look des Gilets jaunes. Dans un monde meilleur, on ne jugerait pas sur l'aspect. On vivrait tous en paix, ensemble dans le respect. Dans mais. Un monde mais justement, l'amour dans ce monde meilleur. Mais il est où ce monde meilleur? Il n'est pas là. Voilà. Okay. La chanson pour Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, qui a vu les Gilets jaunes débarquer en bas de chez lui. Prends tes valises. Ah non. Fois qu'ils sont là. Tu n'as plus qu'à le laisser entrer. Tu ne sais pas ce qu'il t'apporte. Pourtant tu veux te laisser tenter. Ça peut durer un jour. Ou peut-être pour toujours. Là je pense qu'il espère que ça dure qu'un jour. Kinvé a aussi fait une chanson pour les futurs petits artisans. Faudrait penser à ta carrière. Je préférerais que tu sois fonctionnaire. Il a fait aussi une chanson pour les CRS qui s'adressent aux manifestants. Tu n'auras pas besoin de me pousser à bout pour entendre des mots doux sortis tout droit de ma bouche. Rien qu'une fois, oh, c'est mignon. Moi, rien qu'une nuit. Je t'en prie. Il a aussi fait la chanson du CRS et du Gilet jaune qui se battent par terre. Tiens, avec évidence, tu me dis que t'aimes quand je te donne le maximum. Qu'ensemble on danse à l'horizontale. Les gars, calmez-vous, c'est l'amour qu'il faut. Il y a aussi la chanson du mec qui a réussi à traverser les Champs-Élysées sans prendre une lacrymo dans les yeux samedi. A aussi fait une chanson pour moi si on me demande de venir faire la bagarre contre 10 CRS samedi prochain. Je peux pas j'abaisser. Vraiment. Je peux pas j'abaisser. Attendez, je vais regarder quand même, vous dites samedi prochain. Je peux pas j'abaisser. Quand même vérifier les samedis, hein. Je peux pas, j'ai piscine. Ah, je peux pas. C'est impossible. Bienvenue sur Énergie dans 3 minutes, l'émission en public avec vous dedans, coépublic@energie.com. Shakira! Ça fait du bon, ça, j'adore! La bruta pa' cotizarse conmigo en frente. Ya se la gata en celo contigo. Te cortaré el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, que mates. Yo sigo tranquila como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan su ven al lado mío, yo de aquí no me voy. Porque está pa' mí, ninguna va a poder quitarme lo de un tiro. Yo soy lo que cometí. Yo te que tú te enamores mientras traerte te compras flores. Yo compro con. Yo soy loca con mi tigre. Cuando más raya mejor y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre. C'est l'une des premières, j'adore toujours autant. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime. Et elle, elle ne veut pas, non, non. C'est décidé. Assez. Assez de me lamenter. Je me libérer. J'ai deux infos à vous donner. La playlist suprême est de retour sur Énergie. Ouh, 50 000 euros à gagner. Oh. Bim. Oh, la belle histoire. Oh. On a eu vous entendez Angèle. Oui. Avec Tout oublié, que j'aime oui. beaucoup aussi. Que j'aime bien. Enchaîné à Marshmallow. Enchaîné à Big Flo et Oli. Enchaîné à Morning Smack. Ouais. Gam Gam. Gam Gam. J'adore ce truc. Et trois cafés gourmands. Dès que vous entendez les cinq enchaînés dans cet ordre-là. Okay. 50 000 euros à gagner en écoutant Énergie. C'est bon, non 39, ah oui, 37, c'est le numéro que vous devrez faire. Et la bonne nouvelle, je vais vous offrir un beau cadeau de Noël pour une belle famille. Vous allez pouvoir, avec But, gagner 3 minutes dans un magasin But. Vous allez me dire, ok, merci beaucoup, quel cadeau. 3 minutes dans un magasin But. Merci beaucoup. Voilà, mais sauf que là, 3 minutes avec le magasin pour vous, pour prendre ce que vous voulez. Oh là là, là, ça c'est le rêve de c'est n'importe quoi. C'est beau ça, non là, et, ouais, et en famille, fait. C'est-à-dire que vous viendrez avec les enfants et à un moment donné, go on y va et on y va, c'est bien ça, non pour ça, vous nous envoyez une photo. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire, Stouff? Il faut une photo de famille dans le magasin But. C'est ça, avec un cadeau dans la, où ils veulent, dans les mains. Ou, voilà, dessus, en, gros, vous allez dans n'importe quel magasin But à côté de chez vous, vous prenez en photo avec la famille et vous nous l'envoyez, vous vous inscrivez à koe@energie.com et là, fin de semaine, il y aura tirage au sort, c'est ça? Oui. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Je vais retarder pas trop pour aller prendre la photo. Ça va me faire très très plaisir. C'est avec un accessoire de Noël apparemment. Et c'est moi-même personnellement. Oui, c'est un accessoire de Noël. Il a raison, Mico. Un cadeau, c'est quoi? C'est le but du jeu. Mico, ça peut être une boule, une guirlande. Bah oui, d'accord. Je note cela pour ton conseil de classe. Merci beaucoup. C'est un point supplémentaire. Stouff. Tu as des Stouff qui fait café. Stouff. Pour le, on s'en fout. Moins un. Mais un cadeau, c'est un accessoire de Noël. Le conseil de classe. Comment s'appuyer? Pas bon. Excuse-moi, un paquet cadeau avec le nœud et tout, c'est un accessoire de Noël. Oui, mais non, on pourrait prendre autre chose. Bon, tout ça pour dire que vous allez pouvoir gagner ça et c'est moi qui vous lâcherai dans le magasin. Oh, c'est toi qui iras. Oui, oui. Ah, c'est cool. Ça me fait très plaisir. Non, ça va être un truc. Je suis très, très, très content de ça. Je fais un gros bisou à tous les gens de chez But parce que ça fait partie des belles OP. Je me dis qu'il y a plein de familles qui rêveraient d'avoir ça et peut-être plein de gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir des trucs. Je rêve de le faire, ça. C'est magique. Mais bien sûr. Mais tout le monde rêve de faire ça. Tu dévalises le truc, quoi. On te dit go. Et qu'est-ce qui se passe si on tombe sur des gens très très forts? Imagine le père, il prend un canapé et dedans il met tout. Mais il tient. Mais genre il se fait une montagne de cadeaux. Tu vois, il arrive dans le hall comme ça. Avec, mais jamais il tiendra le canapé tout seul. Mais tu traînes le canapé. T'as jamais vu le soda Ryan ou quoi? Tu traînes le gars. Les gars, ils ont que 3 minutes. Eh ben, s'il est très très fort. Oui, Jeff. Non, mais justement, je voulais savoir comment il faisait s'il voulait prendre un canapé, blague à part. Eh ben, il peut prendre le canapé, blague à part. Enlève blague à part. Mais non, s'il prend l'étiquette du canapé, genre. Il gagnera l'étiquette du canapé. On va pas arracher les étiquettes. Je sais, écoutez, j'ai pas encore toute la règle du jeu, ne m'en demandez pas trop non plus. Je vais essayer, on va voir. Le public va bien? Vous êtes en forme? Vous allez? Qui est fan de Kinvé? Levez la main ceux qui sont fans. Ah, ok. D'accord. Ah, sauf deux. Qui peut pas le blairer? Levez la main, il y en a peut-être qui ne l'aiment pas. Ah, c'est dans mon équipe. Ok, d'accord. Très bien. Kevin, si tu m'écoutes, bravo. C'est Jeff qui a levé la main. Dans un instant, il y aura du monde qui vont nous raconter la journée de merde. On fera un devine qui c'est, ça nous fait plaisir, ça, le devine qui c'est. Et puis voilà. Ah, j'aime beaucoup ce titre aussi. En ce moment, j'aime tout, vous avez remarqué? Ouais. Je valide. C'est vrai. David Guetta et Bébé Rich. Je valide énergie, je serai encore là demain. Heureusement. Chaque titre, je remets en question ma présence. Je reste. Voilà, j'adore, voici David Guetta, tout va bien. Excusez-moi, pardon, oui. C'était qui? C'était ma fille, qui a pas encore compris mes horaires de radio. Je crois que 17h-20h, je crois qu'il y aura des millions de gens qui comprendront mon nouvel horaire, mais mes enfants toujours pas. Donc je pense mais que pas tous les jours. Non, je pense que tous les jours, ils regardent l'heure, ils disent où est-ce qu'il est, il est pas rentré. Mais tu fais la radio? Mais c'est ton métier. Ah, mais non, t'en vis pas. Mais c'est pas un métier. C'est avec ça que tu payes le loyer. Ah ouais. Non, moi je ne savais pas. Tout à l'heure, Kinvé sera notre invité. On aura Soprano qui sera là mercredi pour une spéciale. spécial avec Soprano. On finira dans le hall d'énergie pour un mini concert avec tout le monde. Ah, c'est le moment de voir si le public est bien. Je veux entendre mon ah. Sinon, je l'ai pas. Je ne ferai pas le devine qui c'est. C'est bien, les fans de Kinvey sont prêteurs. Ils sont aussi. Ils sont partageurs. Ils auraient pu dire non. Non. On n'aime que Kinvey, on chantera pas les autres. On est exclusif. Non, on s'en fout totalement. J'ai de la Yvette, on y va. Ah bien. Pour le devine qui c'est. Okay. Allez, vous pouvez jouer à ça chez vous à la maison. Il vous suffit d'avoir un téléphone et de dire juste à quelqu'un devine qui c'est. Alors, ça peut ne pas marcher. Mais au pire, c'est pas grave, on aura fait une rencontre intéressante. C'est ça. Hein, on aura agrandi notre cercle d'amis. Le partage. Ben quoi? D'amis. Ah, il y a de la Yvette. T'as beaucoup d'amis qui s'appellent Yvette? Non, justement. Eh ben voilà, au micro. Grâce à moi, tu vas peut-être avoir de la Yvette. Allô? Allô, c'est Yvette? Oui. Bonjour Yvette, devine qui c'est? Ben, je ne sais pas. Devine qui s'appelle pour te dire un petit bonjour. Alors, je reconnais pas la voix. Ah, ben c'est la famille, je t'appelle pour dire un petit bonjour. Je suis sûr, je vais l'appeler Yvette, ça fait longtemps. C'est de ma famille? Oui. Je vois pas qui. Tu vois pas qui? Oh, ben, tu fais pas d'effort non plus. Qui ça peut être? Ben, de ma famille, de la famille de Daniel, de mon mari. Oui, ben oui. Ben mince alors. Donc c'est? C'est, parce que je sais pas qui. Oh, ben, tu cherches pas. Tu viens de m'appeler là, il y a pas longtemps. Oui, ben oui, mais c'est pas ça qui va aider. J'ai hein. entendu une voix, puis ça. Ah oui, bon, on progresse dans l'enquête là. Attends, écoute, parle-moi, puis j'essaie alors, de... Alors, tu vas me reconnaître si je parle trop, tu vas me reconnaître, hein, directement. Directement, tu vas savoir qui je suis. Tu habites Boulogne? Oui. Oh, ben c'est Serge. Bah ouais, c'est Serge, bah voilà. Je savais que tu m'aurais reconnu. Ça va? Bah ouais, oh, non, tu sais bien que ça n'ira jamais, t'es sûr. Mais non. Tu sais que j'avais envie de t'appeler. Et pourquoi tu l'as pas fait? Ben, je sais pas, parce que figure-toi, je vais te dire, t'es tout seul là? Oui. Oui. Parce que figure-toi qu'il y a déjà quelques temps, bon, c'est pas pour ça que je voulais t'appeler, hein, mais j'avais envie de te faire un petit coucou, quoi, c'est tout. Oui. Et donc, il y a déjà un long moment là, et Christiane m'appelle, et puis elle me dit que. Elle me parle de. Que, ben. Ah oui, au moment de la Toussaint, là. Que Sylvaine était venue à la Toussaint, mais qu'ils n'étaient pas allés chez eux. Bah oui. Que Muriel, elle y était allée. Oui, sacré Muriel, bref. Ouais. Et puis elle me dit. Ah ben, tu sais, Marlène, là. Ouais. La fille de. Ouais. Putain, on dirait les feux de l'amour. Ouais. Accident. Bon, je le savais parce que tu ne me l'avais pas dit, mais Sylvaine, elle me l'avait dit. Ah d'accord. Mais j'ai fait à Christiane, oui, qui ne savait pas. Christiane qui l'a dit à Yvette, qui l'a dit à Marlène. Voilà. D'accord. Alors, Yvette, donc, dit, Yvette, hein, je m'ennuie, c'est trop long. Comment? Je m'ennuie, c'est trop long. Voilà, je voulais te... faire un bisou, Yvette. Ah bon, tu t'ennuies? Oui, oui, là, oui, c'était trop long comme histoire, trop long, beaucoup trop long. Je voulais juste te faire un gros gros bisou, d'accord? Oui. Voilà, je t'en... Vous êtes invité à la Energy Live Session de Soprano. Salut, c'est Soprano sur Energy. Pour la sortie de son nouvel album, Soprano invite quelques auditeurs d'Energy pour une live session exceptionnelle à Marseille. Ouais. Gagnez vos invitations maintenant sur energy.fr. Ah, c'est trop bien. La Energy Live Session de Soprano le 12 décembre. Un événement. Energy Hit Music Only. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le cadeau du jour. Et il est pas un peu bizarre ton sapin? Bah non, il est Norman. Dès aujourd'hui, pour l'achat d'un sapin Norman, Intermarché vous offre jusqu'à 15 euros en bon d'achat. Et c'est seulement jusqu'au 9 décembre dans votre Intermarché. Après, il sera trop tard. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Montant du bon d'achat variable en fonction de la taille du sapin. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com. Mardi, William a été témoin d'un truc fou. Il a vu passer une licorne, mais une vraie, hein. Mais le plus fou, c'est qu'il sortait de chez Domino's avec une pizza large à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€. Prix conseillé à emporter hors signature, conditions et magasin participant sur dominos.fr. Messieurs, dames, notre voyage continue, direction les montagnes de Noël. J'ai une bonne nouvelle, on va prendre le funiculaire de la fibre. Wow. Prêt pour le départ? Oui, oui. On va y aller, à la vitesse de la lumière. Oh, c'est haut. Et en plus, c'est beau. À

Vous découvrirez le nouveau titre de Kinvey. Je voudrais quand même dire qu'on a eu Yvette tout à l'heure. J'ai été coupé par la pub, parce que vous savez, les pubs, elles partent toutes seules. Donc j'étais obligé de lui dire non, ça m'intéresse pas trop. Elle me prenait pour Serge. Oui. On n'a même pas rappelé cette dame pour lui dire que c'était une blague. Non, mais surtout la fin de l'histoire. Moi, je ne peux pas lui. Non, bah, non. Si. Bah si, qu'est-ce qui s'est passé? On veut la chute. Bah, non, j'ai dit que ça m'intéressait pas. Ah non, vous êtes marrant, vous me renvoyez au feu. Mais non, mais tu dis que tu es désolé, finalement ça t'intéresse. Ouais, tu dis que finalement tu t'ennuies plus. T'as changé d'avis. C'est gênant. Moi, je m'ennuie plus. Elle est gentille comme tout, cette Yvette. Tu veux connaître la fin. Oh, je suis gêné. Serge. Oui, je ne suis plus connu, je suis Serge. Hein, Serge. Ah bah voilà, décroche plus. Elle maintenant. Va plus répondre. Allô, j'ai Serge à l'appareil. Oh non, c'est pas Serge. Si, on a été coupé. Oui, oui, mais c'est pas Serge, c'est pas la voix de Serge. Bah si, c'est Serge. Hein? Là, c'est plus Serge, là, c'est Serge. Là. Hein? Attends, je vais mettre une moustache. Là, c'est Serge. Bah, non. Écoute, tu m'as dit, non, non, je voulais juste, je m'ennuie, je... Oui, mais maintenant, ça m'intéresse. J'ai le temps. Alors, écoute, Marlène, qu'est-ce que vous disiez? C'est pas Serge, c'est pas toi. Mais pourquoi c'est pas moi? Parce que je reconnais pas toi, ta voix. Ah si, c'est Serge. Ah si. Ah bah pose-moi une question, je te répondrai. Bien sûr, c'est Serge. Parce que j'ai le nouvel iPhone, ça fait des... Ça change la voix. Alors? Non, c'est une blague, mais... Oh, je suis vexé que tu me reconnaisses pas. Bah oui, mais parce que c'est pas ta voix, c'est pas toi, c'est pas... Enfin... Puis je viens de te rappeler, tu m'as pas répondu. Bah, c'est pour ça, je pouvais pas, j'étais en voiture. Ah bon? Ben oui. Alors Marlène, qu'est-ce que tu... Moi, il n'y a pas de numéro de téléphone qui est apparu sur mon téléphone. Je n'ai pas de numéro de téléphone. J'en avais, mais je n'en ai plus. Marlène, qu'est-ce que tu m'as raconté sur Marlène? Bah qu'elle avait eu un accident de voiture, tout ça. Alors elle me demandait si je le savais. J'ai dit que non. Et non. Bon, je le savais, Sylvain me l'avait dit. Mais bon, j'ai dit que non. Ah, c'est pas bien. Pas. Tu savais. Et puis donc elle me dit, ah bah tu sais... Elle a quitté son travail à l'hôpital de Noyon parce qu'elle est partie à Amiens, elle a suivi son copain, c'est vrai. C'était ça. C'est long encore. Hein. Mais c'était ça. C'était ça, oui, c'est ça. C'était ça. Voilà, voilà. C'était ça. C'était son copain. Oui, c'est l'histoire, ça. C'était son copain, oui. Ben pourtant, commandant Bernard, il m'avait dit que c'était... Bernard, tu veux dire Bernard? Ah, Bernard, le père de Marlène. Ah, le père à Marlène, ouais, Bernard, ouais. Bon, ben voilà, je voulais te faire un bisou, quoi. Voilà, Yvette. Bon, ben écoute, d'habitude, tu m'appelles pas Yvette, donc voilà. Comment je t'appelle d'habitude? Ben, tu m'appelles pas Yvette, voilà. Voilà, j'ai envie de dire Yvette, hein? Yvette. Allez, moi je ne te crois pas, allez. Pourquoi? Tu crois pas que c'est Serge? Je crois pas que c'est Serge. Bébête. Raccroché. Bébête est parti. J'avais de l'écho. Oh, écoutez, vous voulez la suite de l'histoire? Elle n'est pas intéressante, cette histoire. Tu me la rappelleras quand même pour lui dire de ne pas s'inquiéter que c'est moi. Hein. D'accord, je sais pas. Ça, c'est Marlène, ça. Si ça la rassurera. Sarah habite Metz, elle voulait nous. Oh, Sarah, grosse journée mauvaise pour Sarah. Ça va, ma petite Sarah? Sarah. Salut tout le monde, salut l'équipe. Salut ma chérie. Salut. Tout va bien, que se passe-t-il? Je suis copine avec Yvette. Ça ne va pas trop bien, ça ne va pas du tout même. À cause de Marlène ou de Bernard? De Muriel, je crois. Pire. Alors de base, je t'explique. Oui. Vendredi, j'apprends, du coup je pose ma démission parce que mon travail ne me plaît plus du tout. Ah. Et du coup, samedi soir, je me dis, bon, vu que j'ai 21 ans et mercredi, je me dis, je vais partir en vacances. Je suis jamais partie en vacances à l'étranger. J'ai jamais pris l'avion. Ouais. Je me dis, je profite. Je me fais un kiff. Je pars avec mon copain. On part en amoureux. On se fait un putain de truc. On prend un hôtel 5 étoiles. On est exclusif. 4 restaurants. 3 piscines. En Tunisie. On se dit, on est au bord de la mer. Vu sur la mer de la chambre et tout. On sait qui fait le bonhomme dans le couple. Hein. Je prends mon mec avec moi. Ouais. On fait un hôtel. J'aime pas le soleil. On y va quand même. Je le prends, je l'embarque. Il n'a pas le choix. On était là, on part. Donc du coup, samedi, on programme tout à 23h. Oui. On réserve un hôtel à Paris parce que du coup, on habite en Moselle pour être sûr d'arriver à l'heure à l'aéroport, de ne pas louper ni rien. Vu qu'on n'est pas très très bien avec les bus et tout ça, on prévoit tout. On arrive à gérer le Uber et tout. On se perd dans le métro pendant 2 heures hier. On arrive enfin à trouver notre hôtel. On arrive avec 3 heures d'avance à l'aéroport. On très était bien. Heureux. On était fiers de nous. On avait les larmes aux yeux en regardant les petits avions et tout. On arrive, je donne ma carte d'identité et là, elle me regarde et elle me dit, votre carte, ça va pas. je me dis, c'est peut-être une blague, mais je veux dire, en général, ils n'ont pas trop d'humour dans les aéroports. Bah non, non, c'est vrai que les poissons d'avril, c'est rare, surtout en décembre. Du coup, je commence à la regarder, je lui dis pardon. Ils me regardent tous avec un air pas très gentil. Ouais. Je dis, vous allez me suivre, mademoiselle. Du coup, ils font passer mon copain de l'autre côté. Moi, ils me font passer dans le bureau. Donc, du coup, je ne comprends pas trop ce qui m'arrive. Et il y a 2 ans, quand j'ai passé mon CAP, j'ai perdu ma carte d'identité. Et en fait, j'ai fait un renouvellement. C'est la soirée des histoires longues. Hein. Oui, je tiens à vous prévenir, c'est un thème. Ce soir, on prend le temps. On fait une thématique. On prend le temps. On finira à l'heure qu'il faudra. Mais on ne fait que des histoires longues. Et donc, ils t'amènent dans le bureau. Ils te disent quoi? Il y a 2 ans, t'as fait quoi? Et donc, du coup, j'ai perdu ma carte d'identité. Oui. Et j'ai refait une demande. Et j'ai retrouvé par la suite. Et en fait, j'ai inversé les 2 cartes. Et j'ai pris la carte déclarée perdue. Donc du coup, ils m'ont arrêté pour fraude. Donc du coup, j'ai passé 4 heures dans le bureau, n'ayant pas de passeport et n'ayant pas pris de réservation d'annulation. La Tunisie, tout ça, c'est mort. À la loose. Voilà. Oh non, copain, vous voulez partir sans elle? Il a dit. Est-ce qu'il a réfléchi 2 secondes? Non, ça va, il a pas eu un. T'imagines? Est-ce que vous voulez partir sans elle? Attendez, laissez-moi une seconde. Tunisie, soleil, cocktail, maillot de bain. Et l'autre qui fait des. Tu fais quoi? Derrière le bureau, tu sais. Eh ben, pauvre chérie, c'est pas bien ça. Donc, du coup, je me retrouve coincée à Paris, mais j'ai prévu que des shorts et des t-shirts. C'est vrai, bonne saison là. C'est vrai. Je suis en claquette. C'est magnifique. Short t-shirt, claquette là. C'est pas bon. Voilà. Je me voyais déjà dans le désert. Il devait venir nous chercher. On avait 1 heure de trajet. On devait arriver dans. Il devait faire 25 degrés. Je suis sous la pluie. Ah, il fait 5. Désolé. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Eh ben, ce que vous pouvez faire, ça serait de m'inviter. Ce serait le plus beau cadeau que je pourrais avoir et qui pourrait rattraper. T'inviter où? À venir nous voir à, venir nous voir à l'émission. À vous voir, bien sûr. Bah, bien. Quand? Et bah demain du coup. Et non, c'est complet. Au revoir, non, Sarah. Ah, quand on a la loose, non, on a Sarah, la loose. Sarah, je rigole, je t'invite à venir nous voir demain, d'accord? Ah, merci. Mais par contre, il faut que tu viennes avec ta carte d'identité parce qu'ils contrôlent à l'entrée. Oui, et en short. Et en claquette. Ils me l'ont gardé. Qu'est-ce qu'il y a, Jeff? Non, je voulais dire la même chose que toi. C'est vrai. Et mais attends, elle a pas sa pièce d'identité. Si c'est périmé, tu rentres pas. Je vais gérer. Sarah, tu seras avec nous demain, ma chérie, d'accord? Vous êtes merveilleux. Je te fais un gros bisou, on t'applaudit et puis demain tu viendras nous voir, ça va bien se passer. Allez, drôle, ma belle. Dans un instant, sachez. À demain. Sachez qu'il y a un nouveau club de bras de fer qui vient de s'ouvrir en France. En Normandie. Vous voulez en être? On s'en occupe. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. I'm feeling like someone. We got 2 in the front, 2 in the back, sailing along. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. c'est Coé sur Énergie. Dans un instant, nous allons tenter de faire des bras de fer. Je vais gérer le truc puisqu'il y a un établissement de bras de fer. Vous savez, c'est idiot le bras de fer parce qu'on peut se faire très très mal. Si on se le fait à froid, on peut se faire. Non, moi je sais que j'ai gagné des compètes dans les mais pays de l'Est. Toi, bras de fer. Non, mais il tord le poignet lui. D'accord. Ah, bah, lui, il casse le poignet. Tu vas pas faire mal, toi. Ouais, bien sûr. Moi, je vise les yeux d'abord, puis après j'attends. Jugulaire. Voilà, jugulaire direct. Et après, bam, j'y vais. Mais évidemment, pas de pitié. On est le hashtag est classé. Les classés, on en est été France. C'est très très bien, cher ami. C'est quoi ce hashtag? Alors, le hashtag rend un film plus Noël. Eh ben, croyez-moi que pourtant, c'est un hashtag de merde. Je croyais pas qu'on allait y arriver. Moi non plus. Personne n'y croyait dans cette équipe. Il nous l'a vendu. On a dit ça, aucune chance. On a donné chance au produit. Et voilà, c'est pas foufou non plus. On n'est pas premier, hein. Non, on n'est pas premier. C'est ça, c'est le ballon d'or. Ceci dit, si tu croyais être premier avec ce hashtag, là, moi j'arrête tout. Hein. C'est ça, c'est le ballon d'or. Je rachète Twitter pour rien du tout. Donc le hashtag, c'est. Rend un film plus Noël. Mais pourquoi on n'a pas fait un truc avec le ballon d'or? Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il ne le savait pas, il avait oublié. Regarde-moi cette tête de piaf, là, il avait zappé. Rend un film plus ballon. Qui c'est qui va l'avoir? Je pense Modric. Même si j'aimerais bien que ce soit Griezmann. Modric? Modric. Modric. C'est un croate. C'est un croate, Modric. Il a gagné la Ligue des Champions. Il joue bien. Il est très bon. Pas très connu, Modric. Si. Ah bon, d'accord, ok. On l'a vu à la télé à la finale. À la place de qui? Mbappé, pourquoi il l'a pas, Mbappé? Il l'a pas, non. Enfin, pourquoi? Je veux savoir pourquoi. Parce qu'il est pas bon. Jeune, il est moins bon que Modric. Ah, Modric? Moi, j'arrive pas à le dire. Donc. Ok. Il est un peu jeune encore. D'accord, on y va. Quelques hashtags. Alors, avec le hashtag grand film plus Noël. On a Netty qui nous dit. C'est pas vrai. Dead Deadpool. Hein? Je comprends rien ce que tu dis. Dead Deadpool. Deadpool. Pourquoi? Deadpool. Oui, Deadpool. Ok, d'accord. Oh, c'est pour l'instant. Sinon, j'ai Avatar Tiflette. C'est bien. C'est cool. Non, c'est pas mal. Il y a Maeva nous propose Aladdin. Ah, c'est pas mal, Aladdin. Mais si. Sinon, j'ai Aria qui me dit l'âge de glace Picard. Non. Ça marche. Ouais, mais je crois que c'est la dernière fois qu'on fait ce hashtag. Hein. Je crois qu'on est, on va l'enterrer définitivement. Quelques-uns de vos messages que vous nous envoyez sur tous les réseaux sociaux. Margot me dit, je viens de retrouver cette photo. C'est en quelle année? Alors je ne vais pas le dire, mais c'était sur une autre radio qui n'existe plus, qui s'appelait Europe 2. C'est moi, David Guetta et moi, les amis. Oh, cette photo fait toujours mal aux yeux. Il n'avait pas pris tous les David Guetta là. Tant pour David Guetta que pour moi, c'est la photo qui fait mal. Hein. On va la mettre sur Twitter. Oui, oh, on va la détruire même, je pense que. Oui. Je pense que même le t-shirt Chef Hooligan, ils veulent l'enlever, David. Ah, mais tout là. Oh, la gueule qu'on a. Ouais. Message d'Amandine, je suis verte, je pourrais pas écouter l'émission de Coé de Kinvey, je serai au boulot pendant toute l'émission. C'est pour ça que Dieu a inventé les podcasts pour pouvoir les réécouter le lendemain. Message de Nat qui me dit Stouff est embauché dans ma boîte, je suis trop contente, c'est con, mais ça m'a fait rire. Elle a envoyé un message arrivé de Corinne Stouff, chef du service emploi compétences. Corinne Stouff. Et ça va gueuler, pas sûr. On l'embrasse, de Coé Family Off. J'aurais été tellement content d'avoir un papa comme Coé, un parrain comme Miko, des cousins comme Bordas, un grand frère comme Bichette, un oncle comme Jeff et une maman comme Stouff. Pas sûr de ça. Toi le papa, moi la maman, non. Pas sûr. Qu'est-ce qu'il y a chelou, chelou. Comment? Non, rien. Merci. Message de Steven. Je suis un Québécois du Québec. Je suis tombé sur une vidéo sur YouTube un jour et depuis, ma femme et moi, on vous adore. Les appels téléphoniques, c'est les meilleurs. Gros bisous au Québec. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre avec toutes les possibilités, les vidéos et tout et tout. Est-ce qu'il est possible de discuter avec vous, nous dit Ben. Coé, quand tu fais la blague du bouchon de Liège, c'est cool, mais ne confonds pas l'accent bruxellois et liégeois. Alors, je vous dirai un truc, j'en ai rien à foutre. Ah oui, oui. Les régions, je ne les gère pas. Je fais un mélange de plein de trucs. Ça vient comme ça vient. Vous le mettez dans la région que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Hein. Chez nous, on gère nos gilets jaunes, nos problèmes, nos trucs. Vous affectez vos accents, vous voulez. Voilà, c'est ça. Moi, je fais, je me débrouille, je ne suis pas. Mais c'est Liège en plus. Je fais quand tu es ouf, je fais l'accent que je veux, d'où je viens. Il est de Moucron, il est passé par Namur, il a été manger une frite à Bruxelles, voilà. Il est revenu. Tu parles et distribues. Hein. Ah, c'est moi, je fais les accents, tu le mets dans la ville que tu veux. Chacun son boulot. Hein. Message de Thibaut. Salut, Coé, c'est Thibaut, j'adore vos émissions, je regarde plein de vidéos sur YouTube. Ça y est, le 1,5 milliard. Là, à mon avis, dans un jour ou deux, on va le passer. Alors faut que je vous lise un truc. On a fait une vidéo, Coé réalise le rêve de Big Flo et Oli. Oui. Je vais vous lire parce que la vidéo, c'est quoi, Bordas? En deux mots pour ceux qui ne l'ont pas vu. En gros, il découvre le micro un peu genre DJ. Donc le rêve, on fait le DJ ensemble avec la chambre d'écho. Un truc, une décode, la vidéo marche bien, etc. On est très contents. Je vais vous lire donc un message de Haters qui a vu le titre, mais qui visiblement n'a pas vu la vidéo. D'accord.

médecin, pour être en bonne santé, il faut rire au moins 5 minutes par jour. Avec Coé, vous allez vivre jusqu'à 120 ans. Ça va être long, mais c'est ça qui est bon. 17h-20h. Oui. C'est Coé sur Énergie. On exclut dans quelques minutes le nouveau titre de Kinvé qui sera notre invité. Je courais. Et le nouveau titre extrait de l'album, le huitième album déjà. Qui est huitième album. Mais il a quel âge? Qui va sortir en 2019. C'est ça, hein, les fans. Ne trompe pas, d'accord. Il a quel âge? Il a 74 ans, mais je crois qu'il est. Ah, quand même. Ça va, et Soprano qui sera avec nous dans deux jours, il a 59 ans. Hein. Je te jure, c'est vrai, mais c'est ils sont mais tellement passionnés, tu le vois plus, mais bien sûr. C'est ça qui est bien. Ah bah c'est ça, je suis en feu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous riez entre vous? Non, parce que je dis à quel âge, c'est une vanne, et là tu me fais une recherche Google en disant regarde, il est né. Ok, bah, c'est bordasse aussi. En même temps, je vous rappelle que dans quelques minutes, nous aurons le qui se sait. 0870-42-48, joue avec nous, qui se sait. Et vous allez peut-être repartir avec une PS4 Pro. Le principe est simple, vous devez trouver un objet que je n'ai pas forcément dans les mains, mais un objet qui existe. Je vous donne des indices, vous balancez tout et n'importe quoi. Le premier des deux qui le trouve gagne la PS4 Pro. Très bien ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous souriez dans votre coin tous? Ah moi j'ai pas souri. J'ai l'impression qu'il y a un gang là, il y a un truc de secret. Bichette, ça a été ton week-end? Oui, Bichette, il était au cœur des manifs sur les Champs-Élysées. Au cœur. Si, clairement. Au cœur de Non, je vais reprendre ce qu'a dit Mico. J'ai vu tes vidéos. On va dire que si tu étais un journaliste BFM Télé, il n'y aurait pas beaucoup d'images. Hein. Parce que Bichette, je lui ai dit moi avant, je lui ai dit fais gaffe à toi et tout. Et il y va, il a pris des photos. Oui. Mais. Bon, tu sens que quand l'action est là, il est à deux bornes. Hein. Ça, c'est dégueulasse parce que je crois que personne de l'équipe t'y a foutu les pieds. Non, mais je pense que si un jour on t'envoie sur un conflit en guerre, je pense que t'es au Starbucks de la gare. Hein. C'est un Bichette, il était là et à un moment, il m'a montré des images. Il me dit, t'as vu là? T'as vu, il se balance des trucs. Ah, effectivement. Arrête. Tu vois, deux mecs qui balancent deux canettes et à un moment donné, il y a un mur, tu sais, et tu sens qu'il essaie de mettre sa main avec son téléphone pour filmer de l'autre côté du mur. Et il fait, oh non, c'est bon. Donc, il n'y a pas d'image. C'est vrai. Il n'y a pas d'image. Tu sens qu'il aurait fallu une perche à selfie, tu sais, pour que tu sens juste le gars. Un petit téléphone qui dépasse. Tu sens le gars, il est dedans, mais il est à deux bornes. Ah, je t'ai pas bien. Il est à deux bornes du truc. Et effectivement, tu as raison. J'ai vu sur ton plan, on voit 3-4 gilets jaunes qui passent. 3-4 gilets jaunes. Vite fait. Ah, t'es une mauvaise foi. Non, Bichette, tu n'es pas au cœur du conflit. Mais tu sais quoi, j'y retourne samedi et je te ferai des images, mais au plus proche de l'action. Non, ne prends pas de risques. Ne prends pas de risques non plus. Bah si, je vais le faire. Mais il y a une différence entre prendre des risques et être à deux bornes. Ouais. Mais j'étais dans le cortège. Mais c'est fou, quoi, cette mauvaise foi permanente depuis tout le temps. C'est pas ça, c'est que moi, je m'attendais, quand tu m'as dit j'y suis, j'ai eu peur pour toi. Parce qu'il y a quand même eu des gens qui ont fait n'importe quoi pendant ce défilé. Je me suis dit, mon pauvre Bichette, faut pas qu'il soit pris dans un truc un peu houleux. Non, ça risquait pas. Et alors, faut pas qu'il se fasse charger par des CRS qui malencontreusement auraient pu le prendre pour un casseur. Et bien ça ne risquait pas. Les CRS étaient à 8 km. Non, mais... c'est vrai, par contre, à Haussmann, on s'est fait un petit peu bousculer. Pour le coup. C'est con, si tu filmais pas là. Mais c'était non, dans là, le métro. Bah non. Oui, non, mais c'était pour les soldes. Parce qu'on n'avait pas composté le billet. C'est pour ça. Ouais, les gars, bras de fer pour tout le monde. Allez, je m'appelle Bébert. Okay. J'ai décidé d'appeler le premier club de bras de fer. Bébert. Enfin, c'est pas le premier club, c'est le premier club en Normandie qui vient d'ouvrir. Hommage à Kinvé qui vient tout à l'heure. Normandie, big up. One man à Rouen dans quelques jours. Bien sûr, 14 et 15. Allez, on y va. 7-6 en force. Allô? Allô? Ouais, bonjour, c'est le club de bras de fer? Oui. Ouais, bonjour, voilà, je m'appelle Bébert, j'adore le bras de fer, on en fait tradition familiale depuis quelques années. Donc. Dans quel secteur? Moi, je suis à Petit-Quevilly, parce que vous êtes où exactement? Ah, nous, on est à Dieppe, à Petit-Quevilly. Ouais, Petit-Quevilly, bah, ça va, c'est quoi? En roulant, on est à quoi? Demi-heure? Ouais, trois quarts d'heure, une heure, ouais. Voilà, bon, bah. C'est pas un problème. Hein, si... Quand est-ce que je te mets à branler, qu'on n'en parle plus? Quand est-ce que vous me mettez ma branlée? Ouais, quand vous voulez. Oui. Ouais, je sais pas ce qu'ils donnent les gars dans votre club, mais ils sont comment? Je pourrais pas casser des bras. Ça nous, on est un petit club tout jeune là qui démarre. Après, si vous voulez des références, des pointures, je peux en avoir. Mais pour le coup. Vas-y, des noms? Il y a qui comme pointure? On y va? Ah bah chez nous, c'est 44. Kevin qui est bon. Qui? Kevin. Ouais, excuse-moi. Moi je vais te dire un truc, pas qui c'est ton gars. Moi j'ai un Fenwick. tu vois le truc là qui prend les palettes là, de Fenwick. Oui. Moi j'ai ça dans chaque bras.

Non, c'est beau, top. C'est beau. Je trouve ça vraiment, vraiment gentil. Je trouve, par exemple, m'a mal parlé, je rentre, je suis chafouin. Je parle toujours très bien. J'ai la trace de ces crocs dans mes bras, tu vois. Encore les crocs. Dans les mollets. Il y a des dents qui restent coincées dans les mollets. Barrage des steaks. Des fois, je suis pas bien. Je rentre chez moi. Je suis un peu meurtri. Balance ta stouf. Donc, je suis un peu. Je suis pas bien. Et je lis ton message. J'ai envie de te défoncer. Tu vois, voilà. Je lis vos messages et je me sens mieux. Dans quelques minutes, Kinvé sera là. On sera en Facebook Live en même temps. Vous savez, pour entendre le nouveau single. Mais pour l'instant, le kiss, c'est j'accueille à ma gauche, pesant dans les. Lucie, tu veux que je dise combien? Ah bah là, elle a un double appel peut-être. Je fais chier peut-être, non? C'est la question. Ok, je vais revenir après Guy Claude. T'as parlé du plutôt poids. Plutôt que de dormir et d'hypnotiser l'écran. Lucie? Oui. Bah quand tu veux, excuse-nous, on travaille. T'es avec Lucie, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu faisais là? Non, j'avais ma mère en double appel. Oui, bon, enfin, écoute, si on commence à appeler toute la famille, on s'en sort plus. Maman, je savais quoi, laisse-moi tranquille. Mais j'ai dit que j'allais passer chez toi, alors du coup, elle voulait m'écouter. Ah, remets-moi la musique de Rocky, s'il te plaît. Lucie, Tourcoing, mesurant dans les 1 mètre, combien? 74. Pesant dans les. Vas-y, tu racontes ce que tu veux, on vérifiera pas. 58 kilos. 50. Je t'en mets 55 kilos, voilà. Ouais, de l'autre côté, Zia, qui habite Cahors. Comment ça va, Zia? Salut Coco, salut tout le monde. Salut Zia, est-ce que tes parents ils t'ont appelé Zia à cause des... Oui. Comment ça s'appelait cette Cité d'Or. Cité d'Or. Ah Zia oui. Ah Esteban Zia. Et Tao. Tao les Cités d'Or. Je leur ai pas demandé. Mais tu connaissais pas les Cités d'Or? On n'a pas le même âge. Enfant. Déjà, on n'a pas le même âge, mais sache que le dessin animé, il repasse à la télé depuis des années. Et il y a même une nouvelle version qui repasse à la télévision des Cités d'Or. Et bim. Ok. Ça s'appelle la culture. Tout le monde connaît les Cités d'Or. Mais non, mais il n'y a pas de piqûre, Coco. Je t'adore. Mais tout le monde connaît les Cités d'Or. Mais je ne leur ai pas demandé. Mais je vais leur demander. Merci beaucoup. Tout de suite. Déjà. Voici le qui se sait. Le principe du qui se sait. Je vous donne des indices. Le premier qui me trouve qui se sait gagne. Une PS4 Pro. Vous êtes prêts? Attendez, je cherche mes indices, je les trouve pas. Allez-y, parlez entre vous, en fait, comme si j'étais pas là. Tiens, tu les veux? Je trouve jamais ces trucs-là, ça me saoule alors. Merci beaucoup, Michel. On y va? On va lui mettre des intercalaires. Oui, bonne chance, Lucie. Oh, bonne c'est chance, mignon. Ah là, vous n'avez pas l'esprit guerrier, là. Dis pas bonne chance, dis je vais te la bouffer, la PS4. Allez-y. Ça, c'est bien. Voilà, Lucie, j'aime cet esprit Pierre de Coubertin. Je vais te défoncer, très bien. Voilà. Allez, premier indice. C'est long et dur, mais ça peut être mou aussi. La quéquette. Direct. Bon bah, ça c'est fait. Non, ça n'est pas la quéquette. C'est qu'une voix de pervers, mais la quéquette. La quéquette. Déjà, ce mot, je ne l'ai pas entendu depuis longtemps. Non, j'ai dit la quenne. Une quéquette. Quoi? La quenne. Mais pourquoi j'entends rien au niveau du téléphone? C'est moi ou on n'entend que dalle? Non, c'est toi. Mais vous on a tous entendu la quéquette. J'ai entendu la quéquette aussi. Ouais, on a tous entendu la quéquette. Mais c'est ta quéquette, elle a dit. Ta quéquette. Eh bien, c'est ni la mienne, ni celle de quelqu'un d'autre. Deuxième indice. Et vous verrez pourquoi, deuxième indice, ça pue de ouf. C'est pas une nerf. Ça pue de ouf. Ça pue de ouf. C'est long et dur, mais ça peut être mou. Ça pue de ouf. Ta quéquette. Ta quéquette. Oh, ouais. Hey. Ça va, arrêtez, on dirait des enfants de 5 ans. Ta quéquette. Oh là là. Du saucisson, voilà, heureusement que vous jouez. Non, c'est pas du saucisson. On continue, on donne moi des mots. Moi, j'aurais dit un poil de cul. De coco. Placé à côté de la quéquette. Non. Non. C'est pas dur. Hein. Ça s'avale, mais faut pas en abuser. Ah, la quéquette. Y'a pas le décul. Le jus de noix de coco dur, ça pue. Ah, attends, Lucie, tu as dit quoi? Moi, j'ai dit le jus de noix de coco. Le jus de noix de coco. C'est long et dur, du jus de noix de coco. Et ça pue. Non, ça sent bon. Ouais, ça dépend en fait. Il y a un peu de moisi dessus, mais c'est pas grave. Ah, bah un poil de quéquette. Un fromage. Un fromage, oui. Mais lequel? Ah, oh, le bleu. Non, c'est long et dur, mais ça peut être mou. Ah, le maroilles. Non. C'est fait à partir d'un liquide blanc, mais c'est pas du lait de vache. Mais il est écœurant, ton truc-là. Ah oui, c'est fait alors, pour. Attends. Long, dur, un fromage. Un fromage. Le brie? Non, long, dur. Long, mais long, rond. Long. Long, rond, dur. Mais mou dedans. Mais mou dedans. Ça pue. Elle peut être de Noël. Ah, je vous aide. La bûche. Oui. Donc. La bûche de chèvre. La bûche de chèvre, ouais, c'est bon, c'est gagné.

Music Only. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Y'a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène, nous tournerons en rond, allez, ma peine. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, allez, ma peine. Parfois elles sont heureuses, parfois elles sont si seules. Quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène, nous tournerons en rond, allez ma peine. J'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne. D'une main tendue, tu sais, on peut faire des chaînes. Et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne. Et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main. S'installe chez Koei sur Énergie. Il est là. Comment ça va? Ça va bien et content de te retrouver. Ah, ça me fait plaisir. Il est directement venu avec son petit gilet orange. Il est plus de jaune de chez le magasin. Il a pris le orange. Ça me fait plaisir de te voir. Alors, on parlait de cette petite barbe. J'en ai beaucoup parlé. On va se dire les choses. Il m'a envoyé un petit message, Kinvé. Il m'a dit, écoute, je veux bien tout ce que tu veux. Mais je vous jure que c'est vrai. Un petit SMS, je pourrais vous le montrer. Mais si t'as l'intention de me raser la barbe, oublie. Je connais. Non, je suis content, je suis content. J'avais envie de changer de gueule, j'en ai marre. Tout le monde voit toujours la même gueule, mais moi je la vois vraiment tout le temps. Donc j'en avais marre. Non, mais la barbe, c'est l'avenir, t'as raison. Ouais. Commence parce que. Putain. C'est vrai que toi, tu te la tailles, mais qu'est-ce que c'est que cette taille? J'aimerais bien faire cette forme-là, mais comment tu fais c'est plus long là, moi. Ah, bah ça, faut laisser pousser, c'est con, mais c'est. C'est pour avoir la longueur, faut laisser pousser. Kevin, est-ce que tu peux lui dire d'arrêter de faire cette espèce de. Oui, mais je lui ai déjà dit le collier. Rasoir. Tu te fais un collier, mec, on dirait un prof d'histoire géo. J'aime bien quand c'est propre. Là, à gauche, t'as un artiste, là, t'as un prof d'histoire géo, le gars. Il arrive pas. En plus, c'est que t'as un. Bah si, les gens, qu'est-ce que tu veux dire? Bah non, mais il a un double menton un peu. Non, là, ce niveau-là, c'est très triple. J'ai pris un peu. Mais non, mais Balladur, il avait le même. Et puis ça, il y a des gens bien qui l'ont. Oui, mais Balladur, il avait pas de barbe. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Mais non, mais vraiment, ça se laisse pousser. Non, laisse pousser. Suivre l'os là en dessous. Il y a plus d'os. Il y a plus d'os. Il y a plus d'os. Il y a un pyjama, il y a des trucs dedans. La prochaine fois, je te ferai ta barbe. Kinvé est notre invité. Je le disais, 8e album qui arrivera en 2019. Ouais. 8e. C'est ça. Vas-y, les titres des 7 premiers, vas-y, dans l'ordre. Bah, phénomène, carpe diem, la vie est belle, Anjou, démon, saltimbanque, là où le vent me mène, 7. Ah oui, 7. C'est moins fait chier pour le 7. Les tatouages, on en est où? Parce que je me souviens de un tatouage par album. Il est fait sur la chemise maintenant. Hein? Je me suis arrêté. Ah, il n'y a plus de place. Si, il y a de la place, je suis arrêté. On est en Facebook Live, oui, on est en Facebook Live. Ne me préviens pas. Ne préviens jamais. Ne préviens jamais. Parce qu'ils comptaient se foutre à poil. Un jour, ce mec nous mettra en direct sur TF1. On ne sera pas en France. Juste avant, mais c'est pas grave. On est en Facebook Live, on fait un gros bisou. Regardez, si vous voulez nous voir et mater les vidéos en même temps, Facebook Live, Koé officiel, Énergie officielle, venez nous voir. Vous verrez qui. Donc, on s'est arrêté à quel album? Je me suis arrêté à Là où le vent m'amène. Pourquoi t'as pas fait plus? Parce que 7, voilà. Bah, voilà. C'est-à-dire que tu t'es fait chier à écrire des longs titres, non, mais quand il fallait ça. Faire 7, mais tu l'as pas fait. Mais c'est que j'ai été déçu, donc je le fais pas. C'est personnel. T'étais déçu par quoi? Parce que c'était pas le résultat que je voulais dans ma tête. Je m'étais fixé un truc et je me fais la... C'est comme ça. D'accord, ok. C'est pour ça que là, ça s'appelle thérapie. Ouais, non, mais thérapie, c'est autre chose, je t'en parlerai okay. après. Alors non, bah non, justement, thérapie, le nom de l'album. Pourquoi? Vraiment, là? Vraiment. Plomber l'ambiance tout de suite. Tu peux t'allonger. Tu vas la plomber vraiment ou un petit peu? Non, mais attendez, c'est aussi ça, c'est important. Vas-y. Bon, bah alors c'est le single, et le single qu'on va faire là, il s'appelle Je courais, c'est pour ma grand-mère qui est partie. En fait, je m'en veux, tout part de là. C'est parce qu'en fait, on était pendant la tournée Là où le vent me mène à l'époque, et j'étais en plein rush, et une tournée vraiment, c'est fatigant. C'est kiffant de ouf, il n'y a que du plaisir, mais c'est au niveau épuisement, c'est. Et je devais aller voir ma grand-mère le dimanche. Et j'y suis pas allé parce que j'étais vraiment fatigué. Je me suis dit, j'irai la voir le lendemain. Le problème, c'est que ma mère m'appelle le soir en me disant que ma grand-mère est partie. Ah, donc tu t'en es voulu. Ah, tu en es voulu. J'en suis beaucoup voulu. Et je suis pas dans le genre à vivre avec des regrets à la base en plus. Et limite, je me suis senti égoïste, qui normalement me catalogue pas comme ça. Et ça a déclenché un petit truc dans ma tête en me disant que ça serait vachement bien que je profite aussi des gens. C'est bien de vivre son rêve, hein. Je vis mon rêve et c'est magnifique et tout. Et je pense que l'harmonie que j'ai avec le public, c'est cool parce que je leur fais du bien aussi et puis ils me font du bien aussi. Mais il y a d'autres gens qui m'aiment et qui sont dans ma famille ou des amis auxquels peut-être je ne prête pas autant d'importance. J'arrêtais là, sinon pas vraiment. Non, mais c'est intéressant. Mais bien c'est sûr, très bien. Mais tout le monde n'est pas triste. C'est juste que c'est le départ de la thérapie. Mais c'est très bien, et tu as complètement raison. Mmh. C'est-à-dire que même moi, des fois, je me suis fait cette remarque aussi. Voilà, c'est-à-dire des fois, on passe plein de temps à faire des émissions, à faire des tas de choses, à les mixer, à faire des one man, et puis des fois, j'ai. Voilà. Voilà. Hein, oui, c'est vrai. Tu as raison. Ah, c'est très bien. Mmh. J'ai envie qu'on fasse une thérapie tout de suite. Oh merde. Là, d'accord, tout de suite là. Ouais. On s'allonge comment dans une thérapie? On a les... Bah allongé, c'est sur le dos. Hein. Ouais. Comment? Par définition. Détends-toi, donnez-lui un micro. On n'a pas de micro, mais on n'a pas un truc. Je veux qu'il se détende. Si. Kinvé, détends-toi. Voici la thérapie. Vas-y, tu me mets une musique de. Merci beaucoup. Je suis psycho. Vas-y. Parce que j'ai pas eu le diplôme pour log, donc je suis psycho. Je suis un psycho. Je suis complètement psycho, les gens le savent. Hein. Et tu t'appelles Mathias. C'est fini, Mathias. Kinvé, bonsoir. Mathias, j'ai pas compris. Bon, c'est un film, mais il n'y a que 3 personnes qui le connaissent. Private joke. Kevin, bonsoir. Bonsoir. Nous allons nous servir de ce moment pour répondre honnêtement. Je veux que tu sors de là en te sentant mieux. Je veux que tu chantes avec tout ton cœur dans quelques minutes. D'accord. Kinvé, comment prenez-vous les messages des haters? Moi, tu sais que je m'en bats les couilles. Je rappelle que je suis psycho. Ah, voilà. S'il vous plaît. Donc parlez-moi donc, mieux. Je n'y prête pas d'importance dans le sens où. En fait, je voulais juste qu'ils aient. Quand j'ai fait Fuck Kinvé, je voulais juste qu'ils aient une utilité. Je me suis dit, quitte à me faire chier, m'a essayé de me faire chier, qu'ils soient utiles. Quel est le plus beau message qui vous ait fait rire de haters? Kinvé ne tiendra pas un été, parce que maintenant je rigole beaucoup. Quel est celui qui aurait presque pu vous faire de la peine, monsieur V? Presque pu me faire de la peine? Bien joué le playback raté au Energy Music Award, alors que j'avais pas de micro. Je voulais y revenir. Cette transition, frère, ou grave. Cette panne de micro des NMA, ouais. 2013, ouais. L'avez-vous digéré? Ouais, maintenant, dès que je fais une télé, je fais du playback. Comme ça, moi, je me fais pas chier. Je suis sûr que même si vous n'ouvrez pas mon micro, je m'en bats les couilles. Patrick Bruel l'a très bien fait la dernière fois. Personne lui en a tenu rigueur. C'est nickel. Ce besoin de parler de bébé, Kevin. De bébé? Je parle pas de bébé, moi. Mais ne pas en faire. Ah, tu veux vraiment savoir pourquoi? Cela cacherait-il un zizi fainéant? Non, je suis juste stérile en vrai. Non, mais si tu veux. Plombe l'ambiance à chaque fois. Mais sérieux? Non, mais tu me poses une question, je suis en thérapie, je réponds. Ah ouais, on se livre à 100% là ce soir. Ah ouais, on en demandait pas tant. Maintenant que vous le dites, je n'ai plus de testicules. J'ai plus de testicules, mais ça fait 15 ans que je suis avec la même femme, que 15 ans que je ken sans préservatif. Imagine-toi bien que s'il y avait dû avoir bébé, il y aurait bébé et elle en a. Donc j'imagine bien que c'est pas elle le problème, donc souviens-toi moi. En même temps, vu ma gueule, faut mieux pas que j'en ai. Oh non, arrête, ça va pas de dire ça. T'as une belle barbe. T'as vu? Encore, t'as pas vu mes couilles. Il est 22h30, passé, bonsoir. On est toujours filmé? Oui, toujours. On est toujours filmé. Toujours, Facebook Live. Kevin, D'où vient ce goût pour les tenues extravagantes? Je vous ai manqué, hein. Oui, ça va. D'où vient ce goût pour les tenues extravagantes? Mais c'est pas parce qu'on porte du orange que c'est extravagant. Ah, pas si, si, je ne parle pas que d'aujourd'hui. Ah ouais. Parce que je te rappelle que tu es venu chez moi la dernière fois en jaune poussin. Ah oui, c'est vrai. Les voisins s'en souviennent encore. Mais j'aime bien les cheveux qui se voient. Et au moins quand je marche dans la rue, bah les gens m'en écrasent pas. Mais non, c'est juste parce que c'est joli. C'est... Monsieur V, oui. Êtes-vous un homme fidèle en amour? Oui, ça tu sais. Ouais. Même en amitié, en amour, tout. Même avec mon chien, je suis fidèle. Comme un chien, de toute façon. Ce retour, un dossier plus personnel et plus douloureux, Kevin. Ça m'avait manqué. Vas-y. Ce retour incessant de la cigarette dans votre vie. Ah, je fume plus, mec. Arrête, arrête ta question directe. C'est vrai, ça y est. Ouais, j'ai arrêté de fumer. Et je fumerai plus jamais. Ce matin. J'ai arrêté avec un livre. Non, c'est vrai, c'est pas des conneries. Avec un livre. Avec un livre. Ouais, pour une fois que j'ai lu. Oui, à ça, mec. 350 pages, j'ai fait. Aïe. Et comment on arrive à te lire avec un livre? Bah, je fume le livre. Et t'es dégoûté. Non, en fait, c'est le livre. Il t'explique tout ce que tu sais déjà sur la cigarette, mais que tu veux pas t'entendre parce que t'es fumeur. Et puis à la fin du truc, j'ai pu arrêter. Jamais je fumerai. Ah non, vraiment. Depuis quand? Depuis 3 mois là. C'est 5 minutes. 3 mois. Bien, 3 mois, c'est bien. T'as pas compris. Ben ouais. 3 mois, c'est bien. Merci mesdames et messieurs. C'est bon, Kevin, je peux en mettre. Bon, non. Si cet album était froidement accueilli, vous le vivriez comment? Pas bien. Attendez, laissez-moi. Vivriez. Vivriez. Le vivriez. Vivriez. Comment tu vas le vivre? J'ai un doute. Comment tu le vivrais? Comment tu le vivrais toi? Pas bien, mais pas. Ça dépend ce que t'appelles pas bien accueilli aussi. Pas bien accueilli. C'est-à-dire que ça leur plaît pas? Où y a pas... En fait, c'est... est-ce que ça leur plaît pas à ceux qui l'ont pris ou il n'y a pas assez de ventes? Genre, c'est accueilli comme ça. Genre, il y a pas un mélange. Les ventes, je m'en fous. Mais par contre, les gens, s'ils l'ont écouté et que ça leur plaise pas, ça me ferait plus chier parce que faudra que tu l'écoutes un de ces quatre. Mais il est différent et mieux. C'est très bizarre cette musique, j'ai l'impression d'aller me faire masser. C'est l'état d'après. C'est un supplément. Reste avec nous. Kinvé, notre invité. Le titre en live dans un instant. On est en live sur Facebook Live en même temps. Tout à l'heure. Et j'ai vu que tu fais du crossfit, toi. Ouais. On va en parler, ça aussi. Restez là. Il est notre invité. Je suis très content qu'il soit de retour. Vous allez découvrir le nouveau titre de Kinvé dans quelques minutes. Tu le connais par cœur? Le mien, oui. Pas sûr. Tant mieux. 17h-20h, c'est Coé. Facebook Live, regardez les images en direct. Allez sur celui d'Energie, allez sur le mien, Coé officiel. Vous êtes 2 900 000 à me suivre sur Facebook. Merci beaucoup. 2 900 000. Kinvé, le nouveau titre dans un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont chauds patates. Ne te plains pas. Tu aurais eu un public. Non, je me plains pas. Ils sont très très bien. Beaucoup de messages de gens qui disent qu'il a mis un gilet orange. Mais pourquoi n'a-t-il pas mis un gilet jaune? Le gilet jaune est dans ma voiture. Mais je sais qu'il ne faut pas en parler. Je m'en bats les couilles. Mais pourquoi en parler? Je sais pas. Ça fait débat. Moi, je suis très très pour ce qu'ils font. C'est très bien qu'ils continuent. Non, mais ça fait débat. Il y a plein d'artistes se positionnent. Oui, mais c'est parce que c'est pas machin. Moi, de toute façon, les contrôles fiscaux, ils m'en font chaque an, donc ils peuvent contrôle continuer. Fiscaux. Oui, contrôle fiscaux, je m'en fous. Donc, de toute façon, je suis plus un contrôle fiscal contre prêt. Contre le français. Je suis pas un contrôle fiscal prêt. Gilets jaunes, votre combat est très louable et c'est très bien. Et même tous ceux qui vous critiquent et qui vous parlent bien sur votre gueule, quand ils auront tout ce que vous avez pour. Tout ce que vous. Pour quoi vous vous battez. Oh merde. Quand vous battez, ils seront bien, bien contents de l'avoir. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Mais je sais pas s'il y a des gens qui sont contre. Ah, si, moi je vois sur les réseaux, il y a des idiots. Genre, Ouais. Ah, il y a vraiment des idiots. Contre les gilets jaunes. Non, mais contre le fait de que des gens se battent et prennent position. Pour dire qu'il y a trop de taxes, je peux pas persuader qu'il y ait beaucoup de gens qui disent. Si, y en a, ils disent ouais, mais c'est comme ça. Je te jure, je vois ça. Ouais, mais c'est comme ça. Mais mec, heureusement qu'on se dit pas tous c'est comme ça, sinon tu fais plus rien. Il y a des résignés dans la vie. Mais c'est surtout qu'il y a mais il y a des résignés, mais il y a des gens qui ceux qui sont résignés sont ceux qui peuvent encore payer. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se battent parce qu'ils ne peuvent plus payer. Ah bah oui, ils n'ont pas le choix. Ils sont dans une situation où ils sont pris à la gorge et que voilà, on a tous vu des débordements dans certains endroits de France. On a beaucoup dit casseurs et gilets jaunes. Moi, je pense qu'il y a des gens entre les deux qui ne sont pas des casseurs, qui ne l'ont jamais été de leur vie et qui, à un moment donné, se disent c'est maintenant ou jamais et qui se disent qu'ils ne pourront pas payer les écoles des gamins, qu'ils ne pourront peut-être pas payer le loyer, etc. Et qui, à un moment donné, passent de... Et vont dégrader, même si c'est des gens qui n'ont jamais dégradé de leur vie. Tu regarderas, ça va même encore plus loin, c'est qu'ils sont obligés de faire ça le samedi parce qu'ils sont obligés de travailler la semaine. Ils sont en grève obligatoirement le samedi, sur leur sort jour de repos. Ça veut dire que si, tu vois, quand tu le fais tout la jour, tu te dis, bon, t'as pas envie d'aller bosser. Tu peux te dire ça si tu veux, si t'es vraiment une langue de pute. Une langue de pute. Mais par contre, si vraiment tu prends ton seul jour de repos là où tu devrais te détendre et tout, et pour aller et ta famille pour aller manifester, là, moi, ça s'appelle porter ses couilles. Mais après. C'est vrai. Bravo! Bravo! C'est la lutte! Bravo! Alors, on voulait pas parler de ça, mais je voulais juste vous faire écouter un son que j'ai réentendu ce week-end, qui est très étonnant, et pour les plus jeunes, ça va pas trop vous parler. C'est l'actualité, quoi. Oui, mais c'est l'actu, mais juste un son de Coluche, on est en 81. Ah oui, mais de toute façon, oui. 81, c'est pas là. C'est pas hier, c'est il y a 28 ans. Ouais. Écoutez juste le son parce qu'il est un petit peu troublant. Il aurait pu être enregistré. Je vois qu'il y en a une dans le public qui a fait. Tu sais pas qui c'est. Non, un humoriste avec une salopette. Tout n'était pas dans le look, mademoiselle. Il était. Mais il disait un truc. On pourrait croire que ça a été enregistré hier. Écoutez. On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi personnellement ça va. J'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre. Je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. 81. C'est fou, c'est incroyable. Et après, accident de moto. Ça aurait pu être. Bizarrement. Accident d'hélico. Monsieur Kinvé, après, dans un instant, vous allez chanter, êtes-vous prêt ou pas? Et vous allez surtout me dire, est-ce que vous l'avez tweeté ou pas? J'ai une série de phrases. Tu me dis si tu l'as tweeté ou pas. D'accord. Les bimbos me laissent de marbre. Nabila, c'est non. Tweeté. Attends, ça va finir. Nabila, c'est non, il n'y a pas de discussion possible. Autant parler à une canette de coca, alors, c'est plus rempli. C'est pas tweeté comme ça du tout. Moi, j'ai tweeté une réponse à Nabila qui a vu ça sur un article. J'ai jamais dit ça de Nabila, je ne parlerai pas d'elle parce que j'ai rien contre elle, je la connais pas en plus de ça. Par contre, oui, effectivement, tout ce qui est bimbo, donc quand on dit bimbo, on dit corps de rêve et rien dans la tête. J'ai pas de préjugés envers les Nabila du tout. C'est juste que les gens qu'on appelle bimbo sont censés être comme ça. Moi, ça m'intéresse pas, je préfère parler d'une canette de coca, ça c'est vrai. Mais rien contre Nabila, c'est la personne qui a fait l'interview qui a fait un raccourci. Très bien. Elle te répond, la canette? Attention, justement, non. Monsieur, elle te fait. Tu dis, je suis rentré derrière. Oh tiens, je vais regarder la télé. Elle laisse tout passer. On continue. L'avez-vous dit ou pas? Niquez tous vos races, pas de clip vendredi, ni d'album, je m'arrête là. C'est ça, c'est dit ça.

sortira le 8 mars dans un instant. On va se faire ça après la pub, comme ça vous aurez tout le temps de messier. Ouais, vas-y, ouais. recule l'heure. Mais si, c'est bien, on te fera débarrasser de la pub, puis tu pourras chanter, tu pourras faire chanter le public, on va être à la cool. J'ai un petit. Pardon, excuse-moi. J'ai un petit message. Non, j'ai un petit message à passer. Je t'en prie, vas-y. Tout à l'heure, t'as parlé de la tournée parce que je suis en tournée. Élise de Montmartre. Ouais, mais je fais. Non, mais partout dans toute la France. Et j'ai fait 10 dates parce que ça fait 10 ans. Mais c'est surtout parce qu'en ce moment, il y a des places à gagner en VIP pour aller me rencontrer après le concert sur mon site fuckkinve.com. Ouais. fuckkinve.com. C'est bizarre. C'est drôle à chaque fois. Venez me rencontrer sur fuckkinve.com. Voilà. Donc il y a des places à gagner. Ok. Voilà, c'est important. Sur fuckkinve.com. Ouais, c'est ça. C'est très drôle. Les Kinve les plus chauds. J'ai l'impression que c'est un pop-up qui s'ouvre sur mon ordinateur avec un site entre mecs. J'ai l'impression que c'est une fausse vidéo de mecs, de trucs entre mecs. Fuckkinve.com. Les mecs les plus chauds de ta région t'attendent sur fuckkinve.com. Non, mais à la place du U, on a mis un X pour pas choquer les gens quand même. Fuckkinve.com. Et vous irez le voir en concert. Donc à l'Élysée Montmartre à Paris. J'ai pas la date. Moi non plus. D'accord. À Caen, à Ramonville, à Istres, à Brest, au Mans, à Schosheim, à Bruxelles. Ouais. Voilà, allez le voir sur scène et tout. Est-ce qu'il y a toujours ton camarade avec toi? Toujours, mais les deux frères, ouais. Ouais. Ouais. Et en plus, ils vont faire la première partie. Est-ce qu'il y aura toujours le DJ avec toi? J'aime oui, bien. Oui, aussi. Florent, il sera là aussi. Il fera la première partie. Non, mais ce mec s'entoure de gens et il est fidèle avec eux à chaque fois et j'aime beaucoup. C'est vrai. C'est important d'être fidèle. Regarde-toi, Jeff, Miko, pareil. Ouais, alors, Jeff, c'est obligé, c'est familial. Il n'a pas le choix. Bon, Miko, alors, Miko, ça fait longtemps. Alors, Miko, c'est. C'est une question d'argent, c'est normal. C'est familial aussi. J'ai fait une promesse à son père il y a très longtemps de m'occuper de lui jusqu'à ses 50 ans. C'est vrai, c'est que tu es quelqu'un de très fidèle aussi. Et après, je le lâche. Stouff, c'est pareil. C'est une fidélité. Non, c'est parce que tu la tiennes, non? Non, non, non, non. Et Bordas. C'est parce que tu le calmes aussi. Non, ça s'arrête demain. Kinve en live juste après et nous reviendrons sur le crossfit. Le crossfit, on est d'accord, c'est un truc très physique. Ah, c'est dur. Ouais. Eh bien, nous allons mélanger crossfit et chanson de Kinve. Chanson de Kinve, crossfit. Je dis juste un truc, j'interdis à mon équipe d'aller réviser les chansons de Kinve. C'est à vous de tous les connaître. D'accord? C'est déjà parti. J'ai rien révisé. Toi, t'as révisé, t'as triché. Tout le monde me l'a dit. Dans un instant. Et c'est Kinve qui sera le juge, juste avant de chanter le nouveau titre. A tout de suite. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Aujourd'hui, 3 décembre, c'est la journée nationale du cinéma indépendant pour défendre les petits cinémas qui diffusent des films indépendants, donc. J'avoue que moi, j'y vais jamais dans ces cinémas. Ouais, on n'y va pas, mais ça fait bien de dire que c'est bien, sur le principe. Ouais, j'adore le cinéma d'auteur. Moi, j'y vais souvent. Il y a un cinéma où je vais souvent, et c'est un cinéma indépendant, si c'est vrai. Oh. Et c'est souvent les films qui me font le plus pleurer, tu vois. Ah bah moi aussi, tu me mets là, je pleure. Hein. Mais moi, je pleure dès la caisse. Manu dans le 6-9. Money, money. 6h, 9h30 sur Énergie. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Les experts Peugeot vous accompagnent à chaque moment clé de la vie de votre véhicule. Pour son passage au contrôle technique, ils s'occupent de tout. Et pendant que votre véhicule est immobilisé, ils vous en prêtent un pour rester libre de vos mouvements. En ce moment chez Peugeot, le pack contrôle technique avec pré-contrôle, contrôle technique et véhicule de remplacement est à 99€, quelle que soit la marque de votre véhicule. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Tu reviens d'où comme ça? De la pharmacie. Pour les médicaments de maman? Ouais, le pharmacien m'a donné des médicaments Mylan. Les mêmes qu'à l'hôpital? C'est ça. En même temps, j'ai entendu que Mylan était présent dans 90% des hôpitaux. Ah ben moi, ça lui changera pas ses habitudes. Par contre, toi, faut que tu te mettes au sport, frérot. En plus d'être présent dans plus de 90% des hôpitaux, Mylan s'engage à choisir des excipients limitant au maximum les risques d'intolérance. Demandez conseil à votre pharmacien. D'après élément démographique 2017, panorama au 1er janvier 2017. Ordre national des pharmaciens et données internes. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Défi Soch, imaginez un chant de Noël. Je suis passé chez Soch. Une superbe promo se cache dans ses cadeaux. Hey, en chaussons, dans ce salon, célèbre en chanson. Jusqu'au 10 décembre, 9h, profitez du forfait 50Go à 9,99€ par mois pendant 12 mois, puis 24,99€ par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Rapport Arcep 2018, promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur Soch.fr. Soch! À vos marques, prêts? On joue à Best of Logo sur Énergie. Question, quel est le premier fromage fondu vendu en portion? La vache sympa, non? Non, c'est pas ça? Si je te dis, le soleil vient de se lever, encore une belle journée, tu me dis? Ah bah je dis que c'est bien. Quelle boisson a pour logo deux taureaux rouges? Alors là, du coup, c'est la vache sympa. Le catalogue le plus imprimé au monde, plus que la Bible. Pour gagner à Best of Logo, il faut vite prendre ses marques. Best of Logo, c'est près de 1600 questions ludiques pour tester sa culture marque. Logo mystère, produit culte, à vous de jouer avec Best of Logo. Un jeu lancé. Ah, j'hésite, ça pourrait être quoi ça? Non mais c'est bon, t'es mauvais.

qui est tombé, tombé, tombé, tombé, tombé, tombé, tombé. C'est toi qui est tombé.